Vous allez y aller, les gars. Juste un bison, on fait rien après. Une pelle. Pas de resto, rien. Pas de resto. On se rappelle pas. Dépêchez-vous. Allez. Allez, viens là, mon Lolo. Allez, bisous sur la bouche. Un vrai. Oh là là. Au moins 3 secondes. Ouais, 3 secondes. Allez. Non, enlève ta main. Enlève ta main. Dépêche-toi. Les gamins. Ah, vous avez juste fait un smack. Vous savez, des bisous. Le boomerang est fantastique, mes amis. Nous avons le plus beau boomerang de la Terre. Il est magnifique avec le petit. J'adore ça. Amir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour les mois qui viennent, camarade? Que les concerts soient complets, que tout marche bien. Allez le voir à Paris, à la Cigale. C'est quand? C'est le 17 novembre. Enfin, tu vas peut-être le décaler pour l'auditrice. 22 novembre. Chalon-sur-Saône, ensuite Besançon, ensuite Bourg-les-Valence. Il y en a partout. Florange, à Gap. Et puis, ça commence à Longjumeau en France le 15 octobre. Je voudrais que tout le monde fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit pour Amir. Merci. Chloé revient demain dès 19h sur Énergie. Il y a très peu d'hommes capables de révolutionner un genre. Lui l'a fait. Vous êtes des millions à regarder chacun de ses passages télé. Les plus grands saluent son talent. Jamel Debbouze. Comme il est très drôle, il était impensable qu'on se rencontre pas. Franck Dubosc. C'est quelqu'un de très posé et j'aime ça. Je le trouve gentil. Florence Foresti. J'adore. Ça, c'est un doux rêve de travailler avec eux un jour. François Hollande. Ces spectacles font déplacer la France entière. Il remplit l'Olympia, des zéniths partout en France. C'est le meilleur de sa génération. En quelques années, il est devenu l'un des meilleurs humoristes français. Des centaines de millions de vues sur YouTube. Plus d'1 700 000 personnes sur sa page Facebook. Tout le monde se l'arrache. Et ce soir, il est sur Énergie. Ce soir, Guillaume Radio 2.0 reçoit Jeff Panacloc. Pousse-toi, gamin. C'est moi, la star. Salut les puceaux. Alors comme ça, on voulait écouter Guillaume Radio 2.0? Ah, c'est raté. C'est moi qui prends le contrôle. Il n'y a plus de Jeff Panacloc. Il n'y a plus de Guillaume Play. Guillaume Radio 2.0, c'était avant. Maintenant, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Radio 2.0. Alors, il va être gentil, notre con. Il va tout recommencer depuis le début. D'accord? Vous êtes prêts, les trouducs? C'est reparti! D'accord. Ce soir, Jean-Marc Radio 2.0 reçoit Jeff Panacloc et Guillaume Play de 22h à minuit sur Énergie. C'est parti! Allez, sur Énergie, c'est parti, soyez les bienvenus. D'avance. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Jeff, Panacloc, comment ça va? Salut Nico! On rigole trop! On a mis un petit micro pour Jean-Marc et ouais, tout. Il n'y a que le micro qui est petit chez moi. Il a son casque et tout, on a fait un décor. On a fait un décor magnifique. De ringard. On a fait un truc dans une jungle, etc. Il y avait les décors d'Hélène et les garçons en 92. Ouais, c'est... On t'a mis des bananes, on t'a mis de l'ananas, on t'a mis des... C'est raciste ça, on est d'accord. Bon, ça va bien Jeff, en tout cas. Ça va santé. Ouais, bah bienvenue. Je suis content d'être là. Eh ben, on va bien rigoler. On va avoir un peu chaud hein, par contre, t'as remarqué. C'est vrai. Allez, parti, on va co-animer l'émission ensemble hein, jusqu'à minuit. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Posez des questions à Jeff aussi au standard. Si vous voulez venir passer comme d'habitude, venir délire avec nous, vous êtes à la maison par téléphone au 0800 70 42 48. Si vous voulez passer un petit coup de fil ou par SMS, Guillaume et votre message au 611 12. C'est trop long. L'équipe est là comme d'habitude. Ouais. Il y a JM du standard qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Salut Guillaume, salut Jeff, salut Jean-Marc. Eh, bon anniversaire Jean-Marc. Merci Guillaume, merci beaucoup. JM du standard. C'est ça, ouais, 30 ans quoi. Ça fait plaisir. Ça va, t'as fêté un petit peu? T'as pu faire quelque chose aujourd'hui? Non, rien du tout aujourd'hui. C'est vrai, tu vas fêter ça ce week-end. Ce week-end, je descends dans le sud. Ouais. Ah, bon, très bien. Il est content, il va aller voir sa famille. Ça commence à midi et demi et il n'y a pas d'heure de fin. Ah, c'est vrai? Vu sa gueule, on dirait qu'il a déjà fêté quelque chose. Même pas. Ça commence. Ça va, j'ai un stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. Ça va, salut Jeff, passé... Jean-Marc. Vous allez. Il aime bien la pelouse. T'as passé une bonne journée? Bah, j'ai un peu chaud, mais ça va, là, je suis bien. Ouais. C'est vrai qu'il va faire. En fait, on a mis beaucoup de temps chez Truffaut. Pour vous expliquer, on a reconstitué une jungle, et je vous jure, les potos, je vous mets une photo. Il fait beaucoup plus. T'as dit quoi? Les totos. Les photos. Les photos. Voilà. Non, mais on va vous mettre des photos, c'est impressionnant. Allez, Maté, sur le Facebook, là, Guillaume Play, P-L-E-Y, je vous ai mis tout ça, sur Twitter, sur Instagram aussi. Ça va, Julia? Salut, Guillaume, salut, Jean-Marc. Ça va? Salut. Ça va, fais des cadeaux aussi? Salut, Guillaume, salut, Jeff, salut, Jean-Marc. Salut. Et bon anniversaire, j'aime du standard. Ah, merci pour les cadeaux. Merci pour t'as eu des cadeaux, j'aime du standard ou pas, non? Franchement. Non, c'est vrai. Non, mais ça viendra. Ah, mais c'est normal ce week-end. Oui, même, voilà, j'ai eu quelques messages, quelques appels, c'est gentil. Ah, c'est vrai, ouais. Il y a nous, on est là. J'ai eu des petits textos à minuit, tout ça. Ouais, j'en ai eu. Ma sœur. C'est vrai? Oh putain. Ah, pour les 30 ans, c'est elle s'est trompée. C'est pas grave. Merde, c'était pas pour toi. Ah oui, t'as reçu qu'un texto. Ouais. Ah, bon, tu vas voir qui j'aime. Alors avant de commencer l'émission, petit aparté, il a 30 ans aujourd'hui, comme ça se fait pas. Voilà, tu vas faire quoi ce week-end alors? Bah, ce week-end, il y a mes potes du sud et la famille. En fait, on est entre 40 et 50 chez mes parents, quoi. Là, petit moment, quoi. Il va faire beau et tout. Ouais, dans le jardin. Ah, t'as beaucoup d'amis quand même. Ouais. Très bien. Il y a beaucoup de famille en fait. Les parents, les potes. Les parents, les potes, tous les tontons, tous les cousins. Bon, il y a plein de messages. Vous pouvez y aller là, Guillaume, et votre message là aussi, 11-12. Tu es le meilleur, Jean-Marc aussi. Est-ce que tu pourrais le dire? Est-ce que je peux lui parler en direct? Oui, vous pouvez venir parler à Jean-Marc, à Jeff Panaclock, avec plaisir. Au si standard. J'ai pas envie, moi. Guillaume, et votre message. Bah, tu vas te forcer, Jean-Marc. Ça, faut vraiment que tu te forces. Hein. D'accord. Vraiment que tu fasses l'effort. Ah, nous, on t'accueille, hein, donc. Ah ouais, non, mais vraiment. Alors, moi, en plus, j'ai vu les spectacles et tout ça. J'ai vu que t'avais un peu de caractère, tout ça. Mais c'est important que c'est tu bouges. Hein. On t'a mis à manger. C'est bon, t'as assez de Jeff d'ailleurs sur la gauche là. Ouais, c'est cool. Il y a des M&M's. C'est raciste aussi, ça, non? Attends, et JM du Standard, t'es allé voir d'ailleurs Jeff Panaclock en spectacle. C'est vrai? À Gemnos. Hier. Où ça? À Gemnos, dans le sud. Ah, bah ouais. Dans le théâtre. C'était dans un théâtre de nature. Et à la fin du spectacle, il y a eu un papy qui était tombé. Je sais pas si tu Ah, mais oui, je me souviens. Il y avait beaucoup inquiété. Ouais, il y avait eu un gros boom. Le mec, il raconte un truc. Ça fait pas le mec, il est là. Il raconte le pire truc de. Tout le monde s'en souvient. Sinon, c'était super. Il y a un mec qui a creusé à la fin. C'était cool, hein? Ah, mais t'as. Ah oui, t'es donc franchement, c'était très fort. Ouais. 2 heures de spectacle énorme. Ouais, il m'a dit. Il m'a dit, c'est un des rares gars qui reste 2 heures sur exactement, scène. Exactement. Ouais. J'en ai vu beaucoup des mecs et tout ça. Et franchement, ah, j'en ai oh là là. Le mec, c'est le Rémi Barclay. J'aime bien voir des humoristes. Et ça dure toujours une heure. Là, ça a duré 2 heures. Le taulier, quoi. Le Guide Michelin du spectacle. Exactement, Guillaume. Pierre les annotations. Salut tout le monde, gros bisous à Jeff et Jean-Marc et à toute l'équipe dédicace au lycée d'Arsonval de Saint-Maur. Alors on a préparé plein de trucs toute la soirée. Je vous explique ce qui va se passer. On aura des surprises toute la soirée aussi pour Jeff, pour Jean-Marc. Il y en aura aussi pour JM du Standard. Avec plaisir. Il y a une petite surprise pour JM du Standard, mais rien de ouais, bien... léger. Hein, on n'a pas eu, ce qu'on voulait. On voulait avoir une surprise avec le rappeur Jules. On n'a pas eu. Je suis pas bien depuis tard. C'est vrai. Je te jure, je sais pas. J'ai 30 ans. Peut-être que Jean-Marc t'a préparé une surprise. Avec plaisir. Donc tu sais pas, peut-être ça va être une bonne surprise. Avec grand plaisir. Ou pas. Salut, je sens que l'émission est déchirée comme tous les soirs. J'ai anniversaire à JM du Standard. Et bonne chance pour le battle de l'humour. J'espère que vous allez le faire comme vous aviez dit. Grave. Jean-Marc contre JM du Standard. Ah, c'est chaud, hein, on m'a dit que c'était un professionnel en plus. Non, j'essaye. Oula. Il paraît. JM du Standard. Bon, déjà, le gars est une blague. Déjà. C'est pour ça me facilite l'affaire. Il a deux blagues à faire. Ouais, c'est ça. Jean-Marc, t'auras deux blagues à faire aussi. Bah, on en a une chacun en fait. Ah, c'est vrai? Ah, très bien. Qui sera le meilleur? On va voir ça tout à l'heure. Vous allez voter pour Jeff et Jean-Marc contre JM du Standard. Direct. On verra qui sera le meilleur tout à l'heure. En tout cas, si vous voulez venir poser vos questions, vous êtes à la maison. On se fait LP, on se fera Souffle après, Sound of Legend. Il y a Charlie Pousse qui a été demandé. Si tu veux, mais. On sera Pitbull et Florida. Mais voilà, il a mis la même chemise que moi le premier jour à TPMP à carreaux noirs. Ah ouais, énorme. Très fashion, Jean-Marc, aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Et on a. C'est marrant, hein, parce que moi, vraiment. C'est un vrai. Hein. C'est un vrai, excusez-moi. Regarde. Ah ouais. Et il y a Thomas qui appelle du 78 pour commencer l'émission de ce soir. Vous êtes tous à la maison, si vous voulez venir poser une question, venir délirer, venir comme d'habitude raconter un truc. Toi, t'as fait une blague qui a mal tourné. Ça va, Thomas? Ouais, salut. Ça va? Non, bah, vous allez bien. Salut. Enchanté, mon Thomas. Je te présente Jeff Panaclock, je te présente Jean-Marc. Salut, Thomas. Salut, Jean-Marc et Jeff, ça va ou quoi? Salut. Salut. Ça va ou quoi? C'est chelou cette question, ça va ou quoi? Oh, tranquille. Tu fais quoi dans la vie, Thomas? Je voulais souhaiter aussi un bon anniversaire à Jean-Marc. Ah, merci. Allez. Merci, je souhaite un joyeux anniversaire. Ça fait double soirée. Là. Ouais. Ça fait double soirée, double ambiance. C'est pour ça qu'on a mis des bananes. Ça va. Tu travailles dans quoi, toi, Thomas, à 19 ans, là, en 78? Moi, je suis en école de commerce. D'accord, okay. École de commerce, bah, dédicace à tout le monde. Si vous voulez mettre un petit tweet toute la soirée, vous mettez hashtag Jeff Panaclock chez Guillaume sur Énergie. On n'a pas trouvé plus long comme hashtag. Mais si vous voulez venir, voilà, hashtag Jeff Panaclock chez Guillaume sur Énergie. Faites-le monter en top tweet directement ce soir, les gars. On met tous un petit tweet, tranquille. Ouais. Vu tes auditeurs, il va y avoir des fautes d'orthographe. On va voir à 22h. À 22h. Moi, j'en fais plein aussi, alors tu sais que. Ah, j'en fais beaucoup des fautes, hein. Putain, c'est vrai. À chaque fois, je fais relire par JM du standard. Ouais, il en fait aussi. Quand il a relu. Non. Il en rajoute. Il en rajoute. Eh, bonne soirée. Alors, Thomas, tu voulais raconter un truc. T'as fait une blague à ta petite sœur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Moi aussi. Tu vas nous raconter, genre. J'ai fait une blague à sa petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Mais en fait, un soir, je suis rentré chez moi. J'avais un petit peu picolé, tu vois, de soirée. Et ma sœur dormait, donc j'ai voulu lui faire une blague. Bon, c'était une blague très très con, tu vois. Ouais. Je l'ai portée, ouais. Et j'ai voulu l'amener dans le jardin. Sauf que je l'ai portée, j'ai descendu les escaliers, et comme j'avais un petit collé, je t'ai dit, je me suis pété la gueule dans les escaliers. Tu voulais juste la descendre dans le jardin, c'était ça ton défi, quoi. Voilà, ouais, voilà, je sais pas, tu es en train de soirée. Et elle est morte. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ça commence comme ça. Et alors, et donc qu'est-ce qui a mal tourné alors? Eh ben en fait on s'est pété la gueule, sauf que elle s'est carrément éclaté le genou. Ouais. Donc là je te dis pas comment ça a gueulé avec les parents et tout, donc on a dû l'emmener aux urgences en vitesse quoi, et elle avait une entorse quoi. Ah oui d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et là, donc tu l'as pété, enfin tu l'as abîmé la cheville quoi. Ouais. Ta sœur. Ouais, est-ce que vous avez déjà fait une blague qui a mal tourné? Moi j'ai déjà raconté mon beau-frère qui avait mis une cagoule et qui était allé à plusieurs. Il a fait cagoule, comme s'il cambriolait un de leurs potes. Ah ouais. Et en fait il a appelé les flics et non c'était il y a 10 ans. Même la cagoule. Et, en fait, ouais. Et donc en fait voilà mais ouais. Ça fait. Une cagoule en fait, ça fait c'était peur. Un militaire, le mec il était armé chez lui. En plus. Et il est sorti avec son flingue. Et s'il tire. Ouais parce que les militaires il y en a qui gardent les trucs et tout, enfin certains militaires. Ils ont pas le droit. Et dans certains services et tout ça tu peux garder ton arme de service. Et en fait, il était sorti armé et il voulait pas que les mecs ils enlèvent leur cagoule. Il leur a dit tu mets les mains en l'air. Il y en a un qui bouge, je le shoot. Oh. Et ils ont appelé les flics et tout ça. Ils ont fait de la prison. Ah, ils merde. Ont fait de la prison militaire parce que tous les mecs c'est des collègues militaires. Ah, c'est le cachot. Et ils ont fait 3 mois de prison militaire. Mais non. Si, la cour martiale. Parce qu'ils avaient sorti leur cagoule, leur attirail, leur lampe, leur truc et tout ça. Ah, ouais. Et t'as pas le droit de sortir les matériels de l'armée à part dans certaines en dehors de ton service quoi. Bah, t'as déjà fait une blague qui a mal tourné, Jeff dans. Mais je ne fais pas de blagues. Il est pas drôle, lui, il est très chiant comme d'être. Je viens de stagiaire, une blague qui avait mal tourné, toi. Bah, moi, j'avais fait croire à la meuf de mon pote qu'en soirée, il allait pêcher l'autre meuf en fait. Elle était à côté, elle est partie embrouiller mon pote en fait, du coup. Elle j'ai rien compris. J'ai trop chaud, aussi. Non, mais il est bourré, c'est cassé la gueule dans l'escalier. Non, mais en fait, j'ai trop chaud, c'est pour ça. Ouais. Et bref, à la soirée, en fait, il y avait mon pote avec sa meuf. C'est quoi cette explication de merde? Alors, j'arrive plus à respirer. On raconte sa vie, du coup. Non, ça va. Ouais. Jean-Marc, ça va. Moi, j'ai une lotion qui est un quart d'heure. Notre pas non plus. Hein. Ah, ça aide pas, là. Ah, putain. Je vais stagiaire aussi à ma lotion, tu sais. Non, j'ai jamais mal au fond. Jeff Panaclock et Jean-Marc qui sont là. Je venais d'arriver. 22h10, Guillaume, Radio 2.0, en direct de 22h à minuit, pendant 2 heures, on est là ce soir et je viens de stagiaire, on comprend pas son histoire. Bah, mon histoire, c'était que j'étais en soirée avec mon pote qui était avec sa meuf, forcément. Ouais, ouais. Et j'avais croire à sa meuf qu'il avait pêché une autre meuf en soirée. D'accord. Et je lui ai dit, c'est la meuf là-bas, la blonde, elle allait la voir, elle l'a embrouillée. Pour rien. Parce qu'elle avait rien fait, la meuf. Ouais. Et après, elle est partie embrouiller mon pote, voilà. C'est de la merde. On va rester dans 5 minutes. J'ai fait une blague de merde. Il est sur le balcon, il va se rafraîchir, le pépère, et puis il va revenir. Bon, alors en tout cas. Je sais pourquoi. De quoi? Parce qu'il a chaud. Bah voilà. Il écoute bien Jean-Marc. Demandez-moi. Il est attentif. Alors, Jeff Panaclock qui a fait un spectacle, vous êtes sûrement allé le voir comme JM du standard, qui allait le voir à Gémenos. Ouais. C'était apparemment c'était plein. Ouais, c'était cool, hein. Je m'en souviens. Hein. Ouais, c'est des espèces d'arènes. Ouais, peu, c'est non, ça, exactement. C'est ça, ouais. Un amphithéâtre plutôt. Amphithéâtre, excusez-moi. Alors, le spécialiste. T'es con, toi. On le disait tout à l'heure, parce que JM du standard est un peu le spécialiste des spectacles. Hein, il adore ça. Et voilà, il avait beaucoup rigolé, tout ça. Vous êtes sûrement allé le voir, hein, peut-être certains d'entre vous. Il y en a qui ont on peut avoir la peluche de Jean-Marc. Ouais. La peluche vocale. Tu en as dédicacé une dans le studio. Ouais. Il est resté bloqué là. on va l'offrir. Dans dans deux minutes. Voilà, bisous les petits amis, la marquée dessus. J'ai grosse boîte. Je vais vous mettre la photo hein, sur Facebook. On va la mettre maintenant, la photo de la pluie. S'il y en a qui la veulent, allez sur la page Facebook Guillaume Play PLEY. Je vous la mets tout de suite. Et ça, on peut mettre sa main dedans, etc. On s'en non, traîne. On peut non. pas. C'est la peluche qui parle. Ah, c'est la peluche qui parle, ça. Ouais, ouais. T'appuies dessus et ça sort des conneries. Attends, et marche. Ah non, sur le ventre, sur le ventre. Ah, sur le ventre. Faut la toucher au ventre. J'espère ouais. qu'elle marche. Et marche ou pas? Bien donnant de ta trou, il travaille sur énergie. Quoi. Non, non. Ah si, on l'a testé attends. Juste avant. Ah c'est vrai. Non, parce que j'ai qu'elle dort. Hein. On va la réveiller. Il faut que ça soit Jeff en fait qui appuie. Attends. Ah, ah si, voilà. Parce que j'ai pas, en fait on entend pas. Tu t'appelles ah. Exactement. Parce que, en fait, elle est dans la boîte hein, pour ouais. vous expliquer, donc je passe deux doigts dans le trou. Et ça me rappelle une soirée. Jeff est trop bien, salut Eric. Eh ben salut les gars, voilà. Guillaume et votre message aussi 112, hein, venez délire avec nous si vous avez une petite question. Alors Jeff, j'aimerais qu'on fasse un truc. Wow. On aimerait appeler sur internet, sur le Bon Coin, il y a deux trois mecs qui ont mis ton DVD à vendre. Oups, ça grince. Ça serait bien. Ouais, ça fait pas grave, vas-y. Et j'aimerais bien qu'on les appelle ensemble. Avec Jean-Marc, qu'on fasse une petite blague à ces mecs-là. D'accord, c'est une bonne idée, ça, On a plein de bonnes idées ce soir. Et tu vas faire du cinéma, alors, Jean-Marc, là. Ça va être le 5 octobre. Tout à fait, ouais. Ça va être le 5 octobre. Et donc, on va pouvoir voir, en fait, ça s'appelle L'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock. Et on va voir toute l'histoire, en fait, depuis quelques années. Ouais, depuis le début. C'est ça, c'est un documentaire. Qu'est-ce qu'on y voit, alors, dedans, là? Bah, on voit mes débuts, on me voit tout petit, on voit tout grand et voilà, on voit 4 ans de ma vie aussi, voilà, de ce qui s'est passé depuis qu'on me connaît et jusqu'à maintenant. De ce premier spectacle, hein, c'est oui. ton premier. Ouais, c'est l'histoire du premier spectacle, plus un petit peu ce qui s'est passé avant. Donc beaucoup de doses aussi. J'ai vu qu'il y avait. Ah ouais. Sortis un petit peu. J'ai vu qu'il y avait plein d'animateurs. J'ai vu que tu avais mis Hanouna parce que tu étais tout à l'heure enseignement à TPMP et il y avait des extraits dedans à l'intérieur. T'as filmé un peu dans les coulisses des télés. Ouais, exactement. Ça. On peut me découvrir en off. Comme ah ouais. Alors, on va repartir sur les termes techniques. C'est vrai que Jeff vient de Saint-Thibault-des-Vignes. Salut Ludo. Exactement. Du 77. Ah voilà. Personne n'est parfait. Salut les mecs du 77. Gros bisous les gars. Et alors, à l'intérieur de ce show, en fait, ça va être une seule soirée. Hein. C'est pas, ça va pas durer. En fait, c'est une soirée. On est en direct du Grand Rex, voilà, pendant une demi-heure. Ça c'est à Paris, une salle à Paris. Voilà, on est en direct du Grand Rex dans plus de 150 cinémas en France. Ouais. Voilà, et après il y a le documentaire qui sera diffusé et puis plus tard sûrement à la télé. Donc si vous voulez le voir, donc toi tu seras en direct du Grand Rex, c'est rediffusé une petite exactement partie, tout ça. Le 5 octobre. Et donc voilà, 5 octobre, ça sera le soir, c'est à quelle heure? C'est à 19h je crois. 19h. J'aimerais qu'on me confirme. Ah très. Il y a une équipe, excusez-nous. On va redonner l'horaire de toute façon, mais allez-y hein, le 5 octobre. Les mecs sont en train de bouffer des sushis, c'est normal. Salut Guillaume Générique énorme, Jean-Marc peut-il me faire un coucou Dany de Compiègne? Coucou Dany de Compiègne. Salut super et Jeff Badak. Zach, de quand n'oubliez pas la vidéo de la FNAC quand vous êtes venu nous voir, j'aimerais trop la voir. Il est trop fort, Jeff, je suis allé le voir aussi, c'est trop fort. Salut les gars. Alors, t'as fait de la magie en plus avant, être ventriloque, Jeff, t'as fait tout de la magie. Tout à fait, tout à fait. Putain, c'est énorme ça. On a un magicien qui m'a écrit. Qui m'a demandé s'il pouvait venir te faire un tour tout à l'heure, donc on va le recevoir dans quelques minutes. Apparemment, il fait des trucs énormes. Il a été repéré, JM du Standard, par Hélène Desgénérès aux États-Unis. Ouais, exactement. Ouais. Qui l'a contacté pour venir le voir et tout ça, donc il va nous raconter le truc. La classe. Voilà, on va voir ce que ça donne dans deux minutes. On se fait Pitbull Florida. Comme promis. On sera LB, là, Lost on You. On se fait Son of Legend, Charlie Puth qui déchire aussi. Et le nouveau Souffle, qu'on se calme maintenant. On se fait Mea Culpa sur Énergie, si vous voulez venir. Avec Jeff Panaclock, avec Jean-Marc. Oui, tout à fait. Bien, et nous, vous êtes les bienvenus, les gars. Bienvenue. Allez, on va prendre. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. On va prendre maintenant, là. Les questions pour. Apparemment, il y en a plein. Des questions pour Jean-Marc et Jeff. On vous prend maintenant Guillaume et vous marquez question avec votre numéro au 612 et Jean-Marc il va y répondre hyper gentiment en plus aux questions sur Énergie. Ne bougez pas les gars. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal je suis désolé. Encore une fois j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Hey, hey. Mea culpa. Mea culpa. Je lui dis qu'elle seule m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. On coanime ce soir avec Jean-Marc et Jeff Panacloc, hein, voilà, qui sont là tous les deux. Et le 5 je suis octobre... trop content d'être là. Ah, moi aussi, ça fait vraiment zinc. Ah, oui. Vraiment, vraiment, je suis content. Et le 5 octobre. Rajoute pas non plus. Tu seras au cinéma si vous voulez aller voir la diffusion de l'extraordinaire aventure de Jeff Panacloc qui va toute la soirée. Voilà, il y aura un immense reportage où il y aura des extraits. Vous allez voir un peu comment il s'est créé pendant les 4 dernières années, etc. Hein. C'est un documentaire. C'est le coup. Nous. Et voilà, hashtag Jeff Panacloc chez Guillaume sur Énergie. Si vous voulez le mettre en top tweet, je vous ai mis le hashtag sur mon Twitter. Là, vous pouvez venir retweeter, les gars. Merci en tout cas pour tous les messages qui arrivent depuis tout à l'heure. Je fais partie de la Panacloc Family. Est-ce possible de venir poser une question à l'antenne? Mais bien sûr, les gars. Vous êtes hyper nombreux à appeler. Il y a Thomas qui a fait une blague qui a mal tourné. Merci d'appeler en tout cas, mon Thomas. On va parler des blagues comme toi. Soucis, hein. Toi qui as défoncé, c'est la cheville de ta sœur, c'est ça, hein? Ouais, le genou. On a 8 heures là. Le genou. Il y a Mathieu qui est là aussi. Bonsoir, Mathieu d'Avignon dans le Vaucluse, dans 84. D'Avignon. Comment ça va? Tu m'entends, Mathieu? Bonjour. Ça va ou quoi, Mathieu? Salut Jeff, salut tout le monde. L'accent super. Du sud. Ah. Tu voulais souhaiter un bon anniversaire à Guillaume Standard, Mathieu, là. C'est Soprano bon qui fait une blague. De quoi? C'est Soprano qui fait une blague. Pourquoi? Ah, c'est à lui, non, au téléphone? Ah non, c'est pas lui, il a plein de gens dans le sud. Ah d'accord. Il a plein de gens. Je m'appelle Mathieu et en plus j'essaie d'être ventriloque, mais je suis amateur, je suis vraiment pas très fort, je fais ça avec des chaussettes. Mais j'essaie de faire au mieux. Ah c'est vrai. Alors, pourquoi tu veux nous faire une chaussette? Elles sont pas sales au moins. Tu veux nous faire une démonstration à l'antenne, Mathieu? Bon, je vais essayer, mais c'est pas sûr que ça marche. Hein. Vas-y, essaye. Oh bonjour, voilà, je suis Kyra, je suis la poupée de Mathieu, voilà, je suis la plus grosse Kyra de tout le sud, voilà, s'il y a quelqu'un qui me cherche, voilà, je mets une grosse coup de tête, voilà, direct. Ah ouais. Ça marche bien. Et je crois qu'on s'est fait cramer direct. Hein. C'est un peu relou ça, putain. Mais merde. Ouais, ça va, tu l'as reconnu direct. Mais ouais. Moi, j'entends tous les grains de voix comme ça. Ah ouais, bah putain. Ça a été bon, il se la raconte quand même. Ça va, ouais, Soprano. Salut Soprano. Ça va, toute l'équipe. Ça va, tranquille, écoute. J'ai envie de dire, wesh, ma gueule. Tu vas alors. Ah oui, parce que vous êtes déjà vu aux enfoirés. Aux enfoirés, voilà. Et j'aime bien parler un petit peu la cité avec avec Soprano. Eh ben enchanté. Nous rigolons mieux. Bon, ça va, t'es à Marseille du coup, Mathieu, t'es pas d'Avignon là? Non, non, j'ai pas d'Avignon. Moi. C'est ça. Hein. Mais voilà, on est à côté. Donc j'ai essayé de mettre l'accent, mais le problème, c'est que c'est cramé. Il l'a senti direct. Ouais. Eh ouais, non, mais toi, en même temps, t'as une voix. Déjà fait avec Kokora, tu t'es fait cramer. Parce qu'il n'arrive pas à cacher l'accent. Il a l'accent le plus prononcé du monde. En gros, faudra t'en recommencer, quoi. Oh, bon, ça, fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, t'étais en vacances là, t'as attaqué. J'ai vu que t'as mis des. Tu sors le nouvel album qui arrive bientôt, l'Everest. Ouais, ça sort le 14. Eh ouais. Là, on revient de vacances tranquille. Et d'un coup, direct, on m'a mis du boulot à fond. Pourquoi tu fais quoi d'habitude N'oublie pas aussi, c'est Marseillais, encore. Et fallait que tu reviennes faire une émission comme on avait fait l'année dernière. Bah oui. Ah ouais, mais attention, vous êtes fous. Je sais pas si Jeff, comment vous l'avez préparé son émission, mais Jeff, attention, eux, c'est des malades, ils ont des idées, ils sont fous. C'est quoi, c'est la jungle, ils vont mettre des bananes, hein. Parce qu'on a reconstitué la jungle, ouais. Pour Jeff, hein, pour qu'il se sente un petit peu à l'aise. C'est vrai, ouais, on est très à l'aise dans la jungle. C'est ce qui est pratique. On a mis, non, mais vraiment, en plus, Jeff, il est enfoncé dans la jungle, et Jean-Marc est content, là, voilà. Ouais. Moi, je suis enfoncé dans personne pour l'instant. Et putain, attends, il y a la pub dans 30 secondes. Merde, j'avais pas vu. Bon, et Sopra, tu sais quoi, on s'organise une émission si tu veux. Et ton album il sort le 14 à minuit. Ouais, voilà. Tu veux pas qu'on se fasse à 22h minuit le 13 le soir? Si tu es capable, vas-y. Et bah, je suis capable, évidemment, mon poteau. Et bah, tu sais quoi, on se fait ça. Le 13, 22h, vous pouvez noter chez vous, 22h minuit. On le fait avec Sopra et à minuit, comme ça, il y a l'album qui sort, on le découvre ensemble. Bon, je t'embrasse, mon pote, je dois envoyer la pub dans 5 secondes, j'avais pas vu. Bisous, on te laisse faire dodo. Salut, bisous, bisous. Jeff. Salut. On se voit bientôt, j'espère. Un gros bisous. Soprano qui est avec nous, vous bougez pas, les gars, on se retrouve juste après sur Énergie. Spécial Japan Club ce soir. Les meilleurs hits arrivent plus vite sur Énergie qu'ailleurs. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais il me décalait ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Énergie présente la Technoparade. Rendez-vous le samedi 24 septembre à Paris pour le plus grand événement électro de France. La Technoparade. Au programme, les meilleurs DJ français et internationaux du moment avec des sets house, dubstep, drum and bass, trance, techno, hardcore et électro. Plus d'infos sur technoparade.fr. La Technoparade, le 24 septembre à Paris. Un événement Énergie. It's music on. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Qui sera le prochain président des États-Unis ? La voiture autonome est-elle le transport de demain ? Peut-on encore rencontrer sa future femme ailleurs que sur son téléphone ? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça ? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Alors, c'est moi qui fais le jingle. Je suis avec Guillaume Radio 2.0 et Jeff Panaclock. Mais lui, on s'en fout. Alors, on fout le bordel de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. On se le fait en entier après, soprano. Je sens que je vais briller. On l'a eu tout à l'heure au téléphone et on s'est calé une date le 13 octobre pour l'émission. Snake et Bieber, on se les calera aussi là. Let me love you. Si un autre morceau qui vous donne envie, vous me le dites hein, par SMS, là, Guillaume et votre texto au 6-11-12. Ça va toujours, Jean-Marc? Ça va? T'es toujours. T'es ouais toujours... T'es toujours à la maison. Ça va, Jeff? T'es bien? Ouais, ça, on est cool. Hein. Ça fait plaisir. Ah ouais, il me dit, on n'a pas l'impression d'être à l'antenne. Ouais, c'est vraiment soirée. Ça fait tellement. Que personne écoute. Ouais, ça fait tellement petit. Mais personne écoute, hein. Parce qu'on est tellement dans un tout petit studio là. On a pris le petit studio au 6ème étage d'Énergie et on l'a mis en mode complètement jungle ce soir là. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'oxygène que ce qu'il y a normalement dans une ouais pièce. Ouais, ouais. On ouais est dans une pièce remplie de plantes là. Zach de Caen, c'est quoi le numéro du standard? Je vais appeler pour parler à Jeff Panaclock. Il n'y a pas de problème. 0800 70 42 48. Si vous voulez passer un petit coup de fil, c'est gratuit. En plus, depuis un poste fixe, vous pouvez nous appeler avec plaisir. T'as un énorme fan, Jeff, qui est le, on va dire, ton fan numéro. Ton fan numéro 1, il est venu à plus d'une centaine de spectacles. Ouais. Ah, c'est un vrai, quoi. C'est Roberto. Et t'aimerais lui faire une petite surprise en l'invitant, c'est ça? Exactement. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il sera le 5 octobre, Jeff Panaclock, ça s'appelle L'Extraordinaire Aventure au cinéma. Il y a une séance à 19h30 dans 150 cinémas en France. Si vous voulez aller voir, c'est toute l'histoire de Jeff Panaclock depuis les 4 dernières années. Donc si vous voulez aller voir ça, on va en reparler dans 30 secondes. Il sera aussi en direct du Grand Rex à Paris. Tout à fait. Voilà, c'est énorme à aller voir là-bas parce qu'il y aura, tu vas faire des sketchs dessus, tu seras. Oui. Tout aura, à fait. Il y aura des. Il est devenu vieux d'un coup là. Une soirée présentée par Frédéric Lopez. Ah, non, c'est vrai? C'est pas une vanne. Hein. Ah, d'accord. Et, okay. Et voilà. Et non, et oui, voilà. Il vient présenter très gentiment parce qu'il a été un des premiers à me recevoir à la télévision. Et, ah, c'est cool. Et voilà. Et voilà. Rendez-vous en terre inconnue. Ah, t'as de la répartie, toi. Il est bon. Tu l'avais vu le spectacle de Jeff ou pas? Non. Ouais, j'ai vu sur internet. Hein, du coup, je suis pas venu en vrai parce que j'ai pas pu, mais je l'ai vu en vidéo. Voilà. Il allait voir. Il y a beaucoup. J'ai bien aimé. Ça téléchargé? Même pas. Non, en streaming. Légalement, ça va. Ah oui. C'est légal. Ah, légalement. Bah ça va, légalement. Le streaming, c'est pas très légal. Ah si. Il y en a des légales. Si tu l'as vu sur quel site légal? Ah, je sais pas. J'ai tapé Jeff Panaclock en direct sur scène. Il a regardé sur Jackie et Michel. Non, je regarde beaucoup Jackie et Michel aussi, mais pas, je t'ai pas vu. Non. Alors, salut Guillaume, salut Jean-Marc, salut Jeff. Peux-tu demander à Jeff s'il vient à l'avant-première de Blagnac? Salut à toi. Non, parce qu'on sera au Grand Rex, mais en tout cas, ça sera diffusé voilà, dans les cinémas. Donc, sûrement à Blagnac. Vous allez le voir en direct, filmé de Paris au Grand Rex, et donc ça sera au cinéma à Blagnac et dans 150 autres cinémas en France. Exactement. Mais ça sera donc une partie en direct et une partie. Mais c'est bien de l'expliquer. C'est cool d'être dans une émission où on peut l'expliquer parce que c'est difficile de voir juste sur une affiche et de comprendre le truc. Ouais. Là, on a deux heures, donc on a le temps de parler avec vous tous. C'est ça qui est vraiment cool, quoi. On a des cadeaux à vous offrir tout à l'heure. On a récupéré quoi, Flo, des cadeaux aujourd'hui, là? Alors, il y a des PS4, des iPad Air 2 et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Voilà, parce que normalement, d'ailleurs, Jeff, j'ai des informations avec des feuilles accrochées au mur, mais on ne voit absolument là, plus rien. Les bananes, je suis là. Voilà. Il y a un énorme truc qui arrive. Après, on a plein de petits cadeaux. Alors, on appelle ton fan. Mm-hmm. Je vais me faire passer. Il est belge. Je vais me faire passer avec Jeff Stagiaire. Ah oui. On est le couple gay belge ici. Je suis avec mon mari. Oui, ça marche, chérie. Mais attention, je vais pas me coucher tard. Je suis fatigué. Par la droite, je vais lui dire que je suis extrêmement mécontent parce que Roberto, c'est le fan numéro 2, mais pas le 1, parce que moi, c'est le 1, tu vois. Tu es l'unique, attention. Voilà, je te rappelle comment il est mon cul. Il est beau, t'as un beau petit pubis à galber. Attention. C'est parti, on l'appelle. Après, Jean-Marc arrivera juste après. Prépare-toi, mon Jean-Marc. Prépare-toi, mon Jean-Marc. On va t'insérer dans la discussion, mon Jean-Marc. Attends, il faut que ça sonne par contre. Et j'espère qu'il n'écoute pas du coup, Roberto. Le grand fan de Jeff Panacoc, vraiment le plus grand. Il a fait une centaine de spectacles en vrai. Bonsoir. Excuse-moi, mais enfin, je me permets de t'appeler Roberto parce que. Décroche. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je pourrais parler à Roberto, s'il vous plaît, là? Oui. Bonsoir, je vous dérange pas? À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Philippe, justement, et je suis avec mon mari ici. Oui, enchanté, monsieur, bonsoir. Et nous sommes assez énervés parce que moi je viens de Charleroi, je suis avec Carolo et j'ai appris que vous étiez un fan de Jeff le Panacloc. Alors là, j'avais déjà bien marré parce que quand des Français essayent de prendre un accent de merde de belge, ça le fait pas. Non, bon, alors déjà, tu vas te calmer, chérie. Oui, ben c'est d'accord, nous ne sommes pas français, nous sommes belgo-belges, nous sommes bien à Bruxelles. Je vais te dire un truc, mon vieux. J'ai habité plus de temps que toi à Uccle à Bruxelles, ok? C'est quand même pas toi qui as m'éduqué le citron. Nous connaissons la Belgique par cœur. Non, mais attends, quand j'ai cassé le cul, mon mari, la première fois, nous étions à Bruxelles. Mon mari m'a dépucé dans le talis. Quand je lui ai déboîté ses petites pattes à Liège, là. Je lui ai fait une turlute sur la grande place à Bruxelles. On a mangé des lacements à Liège. Des lacements. Les fricardelles de mon mari, c'est les meilleurs. La première fois que je lui ai déboîté la bouche, c'était sur l'atomium. Ah, l'atomium, putain, les belles bouliches. La première fois que j'ai retourné mon doux. Oui. La première fois. T'as charmant homme, mon mari. Alors, c'est quand même pas toi qui vas prendre, Roberto. Oui. Maintenant, tu vas perdre ta place de premier fan de Jeff Panacloc. Mais vous avez sniffé quoi? Tu es un imposteur. Tu es un imposteur, vous n'êtes pas le vrai. Bon, Roberto, tu vas te calmer immédiatement et à partir de maintenant, tu n'es plus le fan de Jeff Panacloc. C'est moi qui est fan de Jeff. Il ne t'aime pas, de toute façon, il me l'a dit. Tu es une merde, Roberto. Je l'ai vu à la friterie. Oui, oui, oui. C'est quand même pas toi qui vas prendre la vie. Hein. Tu baisses d'un ton, déjà. Bon, mais chérie, dis-lui parce que sinon je vais m'énerver. Ah, j'allais m'occuper. Dis-lui ce que je fais quand je m'énerve. Il va mettre mon sexe dans votre bouche, vous allez voir, marcher sur ton petite victime. Après, il va te balader en laisse. Finalement, la voir l'envers, d'accord? Voilà. Oui. Je peux te dire qu'une fois, j'ai inséré la verge de mon mari quand il m'a fait une blague comme ça. Voilà. Un repas de famille en plus, devant ma famille. Elle a dit quoi, ma grand-mère? Alors? J'ai mis des coups de cutter dans les couilles, ouais, tu vois. Le cutter. Alors, Roberto, tu t'excuses ou tu t'excuses pas de me parler comme ça, là? Excuse-moi, mais enfin. Moi, j'en place même pas une, j'entends vos conneries, j'écoute vos conneries, c'est non, super. Non, parce que j'ai un autre ami qui veut te parler, là, mais enfin, après, faut que tu te tiennes bien, parce que sinon, il va t'en mettre une directe, hein, je peux te dire. Attends, tu veux lui parler, mon copain? Oui, Roberto, une fouet. Roberto. C'est pas vrai, c'est pas mon trou duc préféré, quand même. Ah non, c'est à lui. Ah si, c'est lui, si, c'est lui, je connais Roberto, la voix. Roberto, une fouet. C'est mon trou duc poilu. Je t'insère les accents de nerfs, moi. C'est mon trou duc poilu. Ah, comment ça va, Roberto? Il y a Jeff et Jean-Marc qui sont dans le studio, là. Ah ben, on est en direct sur Énergie, là. Bonsoir, Roberto. Salut, Roberto. Bah, c'est que du bonheur, je vous embrasse tous et voilà, je suis surpris. Tu as écouté l'émission, Roberto, ou pas? Ouais, c'est ça qu'il faut savoir. Ben, en fait, il y a tout le monde qui m'a demandé pour écouter, donc j'ai commencé à écouter certaines choses, mais je ne pensais vraiment pas ce que vous alliez m'appeler. Parce que, il a entendu. Je me disais, c'est bizarre, il n'était pas... Non, j'ai pas entendu que vous m'appeliez, je n'ai pas entendu que vous alliez m'appeler. Pas avec mon mari, on n'avait pas prévu. C'est un imprévu. C'est un one shot. C'est comme quand mon mari est arrivé sur Terre, on lui a dit c'est un imprévu. Voilà, je suis un accident. Mais là, ça me fait plus que plaisir, ça c'est sûr. Il y en a qui chialer. Il y en a qui dit j'ai un stagiaire, il veut prendre la place de Jean-Marc juste pour le bras. Salut. Oh non, non, quand même pas, non. Ça alors, pas, attends, oui, t'avais un truc à lui dire, Jean-Marc, alors, à Roberto. Oui, on a une surprise pour toi. Ah bon Laquelle encore? Encore, mais t'inquiète, c'est une surprise gentille. Non, hein. C'est un truc cool. Hein. Tu viens voir le encore, je m'attends au piège, moi. Tu vois le documentaire bientôt? Ouais. En Belgique? Bah, normalement, c'était prévu que j'aille le voir près de chez moi, oui, au Kinépolis. Tu vas pas le voir en Belgique. Bon, vous allez encore me prendre avec vous allez m'obliger à venir vous voir à Paris. Mais écoute. Vous allez encore m'inviter et tout me payer. Ça va. Roberto, t'es invité au Grand Rex et voilà, t'as l'hôtel, le transport et tout, et tu viens avec nous et ouais, ça me fait super plaisir vraiment. En plus, tu es dans le documentaire, tu es dans le documentaire, donc je veux que tu te vois avec nous quoi. C'est beau. Putain. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que, et là, c'est le petit moment de larmes, comme on dit, mais tant pis. Ben non, mais c'est 4 ans pour toi au niveau du documentaire, c'est 3 ans de vie avec vous, donc quel est le plus grand bonheur que de vivre ce moment-là avec vous? C'est cool. Voilà. Ah, c'est sympa. Et tu savais que tu étais dans le documentaire, Roberto, ou tu as découvert là? Oui, ça, je le savais. Non, ça, je le savais. Ah, il est placé. Il fait la star. Ah, excusez-nous. C'est un documentaire sur Roberto. On a la chance, on est dedans. Ben non, mais... On n'est pas number one pour rien, merde. Ah, tu dis, c'est mignon ça. Ouais. Ouais, il paraît. Ouais. Bon, et ben, en tout cas, mon Roberto, on t'embrasse, poteau. Je vais te repasser le standard. Ils vont te recontacter demain, du coup, pour voir comment tu connais l'équipe maintenant. Il est de l'asé, le gars. Tout à fait. Putain, c'est sympa comment de remercier comme ça les fans. Ouais. C'est un beau geste. Ouais, c'est super bien. Mon Roberto, je t'embrasse. En tout cas, je vous embrasse tous. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de dire merci. Ils le savent qu'ils sont. Ils sont tous les deux, parce que pour moi, ils sont deux dans mon cœur, mais il n'y a pas qu'eux, il y a toute une équipe derrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une équipe derrière. Et c'est vrai qu'on en parle, mais il faut pas croire qu'il n'y a que Jeff et Jean-Marc. Ils sont tous merveilleux, ils travaillent tous très fort. C'est moi qui fais tout, quand même. Raconte-toi trop de trucs, connard. Faut que vous sachiez qu'il y a du monde derrière. Quoi, voilà. Gros bisous, mon Roberto, merci à toi. Merci pour tout, ciao. Ciao. On va appeler maintenant des gens qui vendent sur Le Bon Coin le DVD de Jeff Panacle. On va les appeler en direct. Il y avait Jean-Claude Van Damme qui a laissé un message, justement, en parlant de Belgique, Roberto. Le premier fan de Jeff Panacle qui a laissé un message. Vous connaissez avec Jean-Claude Van Damme ou pas du tout? Pas du tout. Ce qui est marrant, c'est qu'on le verra dans le documentaire. Je faisais des vidéos quand j'étais gamin avec mon meilleur pote et j'imitais toujours Jean-Claude Van Damme avec une casquette. Ça vous étonne, Jean-Claude Van Damme qui mange un yaourt? Voilà, je faisais ça. J'avais 12 ans. Attends, écoute, Jean-Claude Van Damme pour toi là. Salut, c'est JCVD. Ok, c'est peut-être un rigolo, ton petit singe, ton monkey. Mais est-ce qu'il sait faire du karaté ou du kung fu? Ok, parce que moi je lui fais un grand écart sur le visage et je lui pète les bras. Ok, 1 + 1 ça fait 2. Mais ma main dans sa face, c'est gratos. Ok, c'est free. T'as tout compris. Voilà, c'était. Attends, on a plein de stars qui ont laissé des. Parce que depuis que t'es rentré, un enfoiré. Tu fais connaître. Normal, on connaît plein de monde. Mais ils ont foiré. Il y a qui avait voulu laisser un message? Il y a Nico, il y a François Hollande qui a laissé un message. Ah, le président. Jean-Marie Le Pen qui a laissé un message. Ça va, je trouve honteux qu'une radio française soit prise en otage par un singe. Je sais pas. De plus, je ne pense pas que Jeff Panacloc soit un autre rigolois non plus. Je propose donc qu'on renvoie le macaque et l'autre grand con dans leur pays, n'est-ce pas? Voilà, il y a eu plein de messages. Oh, la violence. Il y a eu Nikos aussi. Salut les loups, j'adore Jeff Panacloc, Jeff Panaclocos, il est chez moi. Et puis, de toute façon, pour rentrer un bras dans le cul d'un singe, il faut être de Mykonos. Pour qu'il n'enfonce plus, votez 1. Et pour qu'il le retire, votez 2. On écoutera le reste tout à l'heure, il y en a eu plein. Tiens, est-ce que tu pourrais me dire, Jean-Marc, alors? Non. On peut faire un petit questionnaire enfoiré. Ouais. On va pouvoir faire ça dans une minute. Questionnaire enfoiré. Et je vais te montrer des photos aussi de gens, si tu veux bien. On va s'appeler ça le jeu du trouduc. Tu me dis si c'est des trouducs ou pas, d'accord? Tout à fait. Allez, c'est parti. Jeu du trouduc. On peut commencer par par cette personne-là. Tiens, en photo, par toi-même. Est-ce que c'est un trouduc ou pas? Alors attends, parce que faut quand même faire une précision, c'est que pour nous les Trouducs c'est les gens qu'on aime bien. Ah oui, non mais je sais. Ouais, oui, bien sûr. Un beau Trouduc quoi. Donc là, tu montes la photo de Jean-Marc. Salut les Trouducs, c'est salut les potos. Les copains quoi. Les copains, les petits amis. C'est amical. Alors bon, évidemment c'est un bon Trouduc alors Jean-Marc. Ouais, c'est le roi des Trouducs. Michel Drucker. Ah bah c'est un vieux Trouduc hein. Elle monte la phrase. Dans tous les sens du terme. Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est un Trouduc ou pas? Attention. On prend les photos de tout le monde. J'oserais pas. Pardonne-moi, j'ai osé. Lui c'est un Trouduc mais dans l'autre sens, tu vois. Attends, on a Nabila. Est-ce que c'est une Trouduc? Ah non, mais j'ai bien lui bouffé. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Afina Turner. Tiens, qui a oublié sa culotte. Ah, oui. Ah ben, on l'a vu il y a pas longtemps. Hein. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a François Hollande, tiens, le président. Le président, quoi. T'as peur, Jean-Marc, là? Ouais, c'est lui qui paye les impôts aussi. Hein. Attends, c'est qui ça? C'est Jérôme Cahuzac. Oula. Ouais. Est-ce que c'est un Trouduc ou pas? Ouais, c'est un Trouduc qui s'est fait chanter, quoi. Karim Benzema. Est-ce que c'est un Trouduc ou pas? Ah lui déjà, va falloir lui donner la définition déjà. Ça reste un footballeur. Lui il paye pour avoir des Trouducs. On a Kim Jong-un, est-ce que c'est un Trouduc ou pas? Ça c'est dictateur d'Afrique. Oh la gueule. Ah bah, il sourit. C'est pas la meilleure photo qu'on ait prise. Elle est dingue cette photo là. Ah mais c'est un Trouduc quoi. Et attends, et on a Mimi Mati. Ah bah c'est une amie. C'est difficile de dire des gens, des gens qu'on aime bien comme ça. C'est un petit Trouduc. On va l'embrasser, Mimi Mati. Ouais, gros bisous. Elle nous écoute en plus le soir. Ouais. Ah ouais? Ouais, apparemment. Ah bah, bisous alors. Elle écoute l'émission. Une fois, elle a eu au téléphone, j'aime le standard. Elle te l'a dit. Ouais, il paraît. Son mini Walkman, elle nous écoute. Nous écoute le soir, ça nous fait super plaisir. On l'embrasse, Mimi. On lui passe un petit bonjour. Oh putain. Oh putain. Le rire ultra son. Hein. Oh là là. Les oiseaux qui ont approché du studio. Mec. Le sonnage. Je jure. T'as un autre truc à dire sur Mimi, j'aime son art. Pas du tout, pas du non, tout. Non, c'est bon. Bon. Allez. Un petit truc. J'ai vu. Ah là là, salut Guillaume. Alors j'ai vu des vidéos de toi il y a 7 ans. T'as les cheveux frisés. Et JM en avait. Salut à toi. Mais il y en a toujours JM du standard. Ah oui, ouais, moi j'avais C'est Gilles Stagiaire qui a perdu. Non, légèrement, non. Est-ce que tu appellerais pas un pervers avec Jean-Marc? Avec plaisir. Non, mais ce qui est énorme, c'est que le programme, c'est vous qui le faites. Voilà, immédiatement, JM du standard, tu vas aller sur les chats de Guillaume. Bien, ouais. Et tu vas me sortir des numéros de show. Ouais. Des mecs un peu pervers. Avec Jean-Marc, on pourrait les appeler les pervers. Là. Ah ouais, tout à fait. On pourrait rigoler. Oui, ça va l'air. Allez, et si vous voulez venir. On va voir qui est le plus pervers des deux. De toute façon, c'est pas la meilleure, ça. Jeff ou Jean-Marc, n'hésitez pas à lui venir. Ouais, c'est pas bon. C'est son anniversaire. Il doit avoir chaud. Ouais. Là, c'est les 30 ans de JM du Standard ce soir. Merci, ouais. C'est une petite blague de JM du Standard. J'ai l'application de Jeff Panaclock. J'adore l'application Denis du 86. Ah, elle est cool. Salut, Denis, Vous pouvez aller la télécharger, l'application. Ouais. Alors, il y a tous tes réseaux sociaux déjà sur l'appli. Tout à fait. On peut voir quand tu postes une photo. Et puis il y a surtout la Soundbox et voilà, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'une Soundbox? Soundbox. En fait, t'as des petits boutons. Oui, exclusivien. Et voilà, tu cliques dessus et ça fait des sons comme un peu toi, ce que tu fais ici. Ouais, ouais, j'envoie les. Vous allez bien? Exactement. Vous pouvez envoyer Soundbox, donc vous pouvez envoyer. Un sampler. Vous pouvez envoyer des trucs comme ça. Il a fait sa blague de merde, il est content. On l'a nous aussi, on l'a téléchargé. Une boîte à sons. Merci, j'ai aimé ça. Même si c'est son anniversaire, faut lui dire à un moment donné. Faut lui faire une émission spéciale. Salut Guillaume, est-ce que Jean-Marc peut faire une dédicace à Gaston du 7-3? Il y a plein de messages. Dédicace, quoi, Schnagel. On appelle. 17-3. C'est quoi? On va appeler les pervers dans 30 secondes. Juste avant, on va appeler un mec qui vend un DVD de Jeff Panaclock. Il s'appelle Jonathan. Et il a mis une annonce sur Le Bon Coin. Voilà, on les abandonne pas, on prend les numéros en direct. Il n'y a pas de pré-appel. Ouais. Le mec ne sait pas qu'on va l'appeler, etc. Il est quelle heure? Il est 22h45. C'est ça. J'ai tellement de feuilles en fait que je vois pas les. Il est tard. J'espère que ça va répondre. Tu le fais direct, Jeff ou Jean-Marc? C'est comme toi qui parles direct ou je fasse? Non, tu veux que je commence? Est-ce vas-y. On va l'insulter après. Voilà, il y a la photo de l'annonce, on l'a vraiment pris. Il le vend 10 euros le DVD. Quel connard. Et t'interviens quand tu veux, hein, si jamais il répond. J'espère qu'il va répondre, par contre, c'est payé. Oui. Oui, allô. Oui, Jonathan. Oui. Ouais, bonsoir, je te dérange pas. Non. C'est bien vous qui vendez le DVD sur le Bon Coin de Jeff Panaclock. Oui. C'est ça. Hein. Très bien, bah écoutez, vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans, très bien. Vous avez regardé le DVD, il est encore en état de fonctionnement ou le DVD est cassé? Oui. Oui, non, il marche. Ah, d'accord. Attendez, oui, pardon. Il est peut-être pas bien, je dis. Ah oui, là. Il était pas bien le DVD? Oui. Il est comment? Vous avez aimé le spectacle ou pas? Non. Non, vous avez pas aimé, d'accord. Genre, c'était pas drôle. Vous avez trouvé ça pas très rigolo? En fait, si, j'ai bien aimé, mais en fait, je l'ai déjà, en fait. Je l'ai acheté et en fait, je l'avais déjà. Vous l'avez en double? Ouais. D'accord. Combien vous vendez les deux? Non, on en manque un. Ah, vous voulez garder l'autre? Ouais. Ah oui, très bien, ouais. Ouais, alors, attends, parce que je suis avec un ami qui voulait te parler, justement, là. Comment il s'appelle? C'est John, c'est ça? Jonathan. Ouais. Et du coup, vous connaissez donc Jean-Marc et tout ça? Vous l'avez vu le spectacle, John, ou pas? Ouais. Ouais, d'accord. Donc vous connaissez le nom du singe, hein, Jean-Marc? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. D'accord, très bien. Mais vous l'avez vu ou l'avez pas vu le DVD? Ok, madame. Hein, c'est pas voilà le titre du DVD, on a compris, hein, c'est perd le contrôle, c'est ça? Il a volé. Allô? Allô, oui. Ouais. Oh. Je vous réveille, c'est en 10, fait. C'est 10 euros, on peut pas descendre. Non, vous ne me réveillez pas. Ah, il est en train de boire un coup, John, ou quoi? Non, décalé. Il y a un peu rebou, non, John? On pourrait vous le négocier, ça vous dérange pas qu'on vous donne 6 ou 7 euros? Parce que je suis avec un ami qui a pas trop d'oseille, là. Si on pouvait acheter 6 ou 7 euros le DVD, ce serait bien. 6 ou 7 euros, je sais pas. Ouais. Ils avaient pris pour combien déjà? 10 euros, je crois, c'est ça? On a vraiment pris l'annonce de la reine, hein, 0 pour 20. C'est pas de sélection, là. Zéro sélection. C'est la sélection naturelle, hein. C'est des bons comédiens. Hein. T'as dit quoi, John? Pardon, excuse-moi. 10 euros, je vends. Ouais, 10 euros, bon, très bien. Alors attendez, Jean-Marc voulait dire un truc pour finir. Tu veux dire un truc pour finir, Jean-Marc? Ouais, mais je peux pas lui dire que c'est un connard de faire du fric sur mon dos, quand même. Bon, Jonathan? Oui. Je suis avec Jeff Panaclock, justement, on est en direct sur Énergie, et Jean-Marc, là. Voilà, ils viennent de voir que tu vendais le DVD, alors on voulait te le racheter nous-mêmes, hein, ouais. Comme ça, il reste à la maison, quoi. Pour te le revendre après. D'accord, John? Ok. Ok, bon, bah bonne soirée, John. Hein. Allez, bonne merci. Ok, bon, hey, tu veux dire un truc à Jeff Panaclock, John, ou pas? Bon, il est là? Bah oui. Ah ouais, on dit plus avant. Je viens de te le dire. Ouais, là, pas le... Je... Mais, il est pas champion, hein. Je suis là, John. Voilà, c'est Jeff Panaclock que tu entends avec Jean-Marc à côté. Hein. Salut. Et on est en direct sur Énergie, John. Oh purée, c'est cool, hein? Non. Ah non. Ah, mais c'est pas Jeff Panaclock. Le spectacle, il aime pas, il veut pas. Il croit que c'est cool. Ah, c'est le canular, le plus rico de l'humanité qu'on ait fait depuis 12 ans de radio. J'avais ça. Non, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, John. Ok. Voilà. Voilà. Non, c'est... Mais tu écoutais la radio il y a des années, John, ou Hein? Voilà. Il n'y a pas de bon. C'est dit foule. Attends. On va très bien. Ben, on passera le bonjour à Koé de ta part, hein, John. Ok. Voilà. Là, il est réveillé. Bon, très bien, John. On a. Les auditeurs, combien? Je t'embrasse, mon John. Je te fais un bisou, mon Jono. De quoi? Un mot à dire. Ouais, t'as un mot à dire à Jeff Panaclock ou t'as compris qu'il était là, John? Ouais, j'ai déjà compris qu'il était là. Ton film est super. Ton film est ventriloque. C'est la marionnette. Il y a quelqu'un qui. Ton son est super, c'est gratuit, je te kiffe. C'est gentil, John, merci beaucoup. Il est ventriloque aussi. Ah putain, ça rase. Ah là là, putain, bon. C'est bien fait, hein. C'est toi qui parle. Et c'est énorme. Bon, bah écoute, qu'est-ce que t'as aimé le plus dans le spectacle, John? Ah bah c'est Jean-Marc. Hein. Ah bah oui, c'est logique. Ouais, c'est ça, le spectacle. Mmh. Ah, oui. Tu te rappelles d'une blague dedans, d'une bonne blague dans le spectacle? Ouais, mais tellement plein que. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Ah ouais. Ah, il y a plein de blagues. D'accord. Ah, il y a pas c'est le principe d'un spectacle. Il y en a pas une que tu te rappelles plus que d'autres, quoi. Ouais. Bon, bah en tout cas. On aura bien ri, mon frérot. Ah ouais, merci. Je t'embrasse, John. Ouais, allez, ciao. Allez, ciao. Gros bisous, mon John, de Saint-Etienne de Queen dans le 73. Ah putain, c'est. Hey, en fait, finalement, il était drôle. Hein, on a réussi à chaque fois à sortir un peu le jus de l'olive. Bon, en tout cas, Guillaume et votre message, si vous voulez passer avec nous au 6-11-12, on appelle des pervers juste après. On a un invité qui est là pour Jeff, un magicien qui va venir, qui a été repéré par Hélène Desgénérales aux États-Unis, qui va venir faire un petit extrait de ce qu'il sait faire. Il voudrait faire absolument un tour à Jeff Panaclock. Jean-Marc, on a plein de jeux. On va se faire un jeu des hôtels aussi juste après sur Énergie. Vous bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes juste après là. Ça vous passez chez Koé sur Énergie. Bonjour. C'est qui lui? Je m'appelle Koé. Koé de Énergie là. c'est Koé de. Mais toi, tu veux me donner une crise cardiaque ou quoi? C'est une blague. Oh, 19h-22h sur Énergie. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99€ par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Énergie présente Louane, le concert au cinéma. Le week-end du 24 et 25 septembre, découvrez dans plus de 200 salles partout en France le concert totalement inédit de Louane, diffusé uniquement au cinéma. Plus d'infos sur énergie.fr et patelive.com. Le concert de Louane au cinéma, un événement. Énergie, it's music only. Mathieu Croissando, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine dans l'Obs, inégalité, ça va craquer. Les meilleurs économistes de la planète dénoncent l'aveuglement des élites qui mettent nos démocraties en danger. À lire aussi dans cet Obs renouvelé et enrichi, la confession exclusive du maître espion John Le Carré. L'Obs, éclairer, débattre, combattre, c'est chaque semaine dans les kiosques et chaque jour sur le web. On a gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, Guillaume Radio 2.0 spécial. Ce soir, j'ai la chance de co-animer avec Jeff Panaclock ce soir et Jean-Marc qui sont là tous les deux. On est là. Oui, pour toujours. Pour faire l'émission, ça fait plaisir. On a bien rigolé avant. Hein. Ouais. Ah ouais. Oh là là, on a appelé un mec qui vendait le DVD de Jeff. On a appelé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ça passe vite, une heure. Ouais, grave, ouais. Putain, l'émission, elle est courte. On a que deux heures là. Faut qu'on en profite. 22h minuit, les potos, à chaque fois. Bonsoir. Bonjour Jean-Marc et Jeff. Je vous adore, Jean-Marc. Marc, elles font pas quoi les Suédoises? Nicolas, salut à toi. Il y avait une vanne avec les Suédoises ou pas du tout? Ah ouais, c'est dans mon spectacle. Oui, mais c'est ça. Je t'en rappelle plus. Non. Salut, bonsoir. Elles doivent t'en sucer, les Suédoises. Sac de corps, on a dit le numéro du standard. Lentement, j'ai pas compris. 0800 70 42 48, mon Zach. Il doit en demander mon DVD, lui, à mon avis. 0800 70 42 48, j'adore vraiment, bravo à lui, à Jean-Marc, qui nous fait vraiment beaucoup rire, ce gars, salut. J'aimerais bien offrir des places de ciné aussi, ça serait cool. Ah, bah très bien. J'allais le proposer dans 5 minutes, tu prends les devants, ouais. Il est rapide, ce Jeff Panaclock. on va filer des places. C'est ce qu'on lui places. Dit tout le temps. On va filer des places pour aller voir le documentaire qui sera le 5 octobre, si vous voulez aller le voir, dans 150 cinémas en France. Ça, et. Alors, il est à Ça mérite un truc là. Dans les 150 cinémas en France, ça va déchirer, ça va s'appeler L'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock. C'est les 4 ans de la vie de Jeff, là où ça s'est créé les spectacles, les grands moments, les moments de... Il y a des moments un peu tristes aussi dans les spectacles où c'est plus rigolo. Ou est-ce qu'il y a des moments un peu de tension ? Dans le spectacle ? Ouais, non, pas dans les spectacles, pardon, dans le documentaire. Bah non, mais on va me voir un petit peu fatigué de temps en temps. On a fait une grosse tournée, évidemment. Voilà, un documentaire, ça sert à ça. On montre aussi qu'on est comme tout le monde et qu'on peut aussi être fatigué avant, après les spectacles, pendant. T'as fait combien de dates en tout là dans ta tournée pour le premier spectacle? Un peu plus de 400 dates. Oh. Putain, c'est énorme. Ah ouais. Putain, c'est beaucoup quoi. Ouais. Tu sais combien de personnes sont venues te voir en tout? À peu près. Hein. On avait compté peut-être un peu plus de 200 000, je ne sais plus, mais on avait compté, oui. Flo des cadeaux, t'as compté toi? Oui, j'ai compté. Il a compté toutes les salles. Il y en a 12. Il a compté tous les cinémas dans lesquels tu sais, plus de 150, et il a compté aussi du coup combien il y a eu de gens qui sont venus te voir à peu près. Entre 4 et 500 000. Ah oui, bon, bah, j'étais loin. Il avait rêvé. C'est beaucoup, c'est une grosse ville. Entre 4 et 500 000, 250 000 DVD vendus et tout, c'est ça, c'est vraiment un carton spectacle et tout. Et il arrive quand le nouveau spectacle alors? Parce que c'est la question qui arrive. Oui, on est en pleine écriture. Voilà, je travaille avec mon équipe. et voilà, on est en plein dedans, là. Donc voilà, plein de nouveautés, et on repart sur les routes en février avec des dates de rodage, comme on appelle ça techniquement. Est-ce que Jean-Marc sera le seul ou il y en aura d'autres? Eh bien, il y aura de nouveaux personnages. Voilà, j'ai déjà présenté un nouveau personnage à la fin de ma tournée sur les dernières dates qui s'appelle Jackie. Et après, je laisse la surprise aux gens. Mais en tout cas, oui, il ne sera pas tout seul. Le meilleur moment dans le DVD de Jeff Panaclock, c'est quand il remplace Jean-Marc par Patrick et le fait jouer à la place de Jean-Marc. J'étais plié en deux. Salut Valentin. Exactement. C'est quoi, tu fais monter un mec du public? Tout à fait. Tu lui mets un petit truc sur la bouche, en fait, avec une poignée. Et ça une fausse bouche, voilà. Et je le fais parler. C'était très très fort. Il évite d'avoir un bras dans le fion. Et le pauvre, en plus, tu sens qu'il est un petit peu gêné. Ah ouais. Hein, il monte sur scène devant 4 ou 5 000 personnes à Nantes, dans le spectacle. Et du coup, tu sens qu'après, tu lui fais faire une chorégraphie à la mec. Ah, il faut absolument que vous allez le voir, ceux qui l'ont pas. Moi, je me suis marré. Je l'ai vu, il dure 1h51 exactement. Il y a une petite vidéo au début et tout. Non, elle est vraiment. Ça fait plaisir. Puis on sent que tu kiffes en plus, que tu te marres, etc. Ah, mais c'est un vrai kiff, vraiment. J'adore faire de la télé, être avec vous à la radio et tout, mais vraiment être sur scène, c'est incroyable. Ouais, c'est indescriptible. Il y a des moments où tu te dis 400 dates, etc., où t'es crevé, où tu dis putain, je vais devoir annuler, parce que parfois il y a des artistes quand ils sont un peu malades, qui ont la grippe ou des trucs comme ça, et qui annulent ou qui déplacent le spectacle de 2-3 jours. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu durs? Ça, c'est les cons. Moi, j'ai jamais annulé. J'ai souvent été malade parce que évidemment la voix fatigue, donc des fois j'étais malade. Je prends des médicaments et je monte sur scène. Vraiment, je veux pas annuler. Je veux pas me dire que les gens ils ont payé. Peut-être bien sûr. Y en a qui réservent très longtemps à l'avance et je peux pas leur dire ce soir je joue pas, vous revenez. Non, c'est pas possible. C'est pas bien. Même quand t'as une grippe, pourquoi t'arrives à monter? J'ai pas de grippe. Salut Guillaume, est-ce qu'il a un animal de compagnie dans la vie, Jeff Panaclock? Salut, vous pouvez poser vos questions, hein, Guillaume, et votre message aussi, 112. Est-ce que t'as un petit animal de compagnie? J'ai un petit chat. Voilà. Moi j'ai une grosse chatte. Bon, en parlant de grosse chatte, on va appeler les pervers. JM du standard. Heureusement que je suis là. Hein. Et bon anniversaire encore, mon JM. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci, 30 ans et toujours au standard. Il faut lui dire, parce que quand même, c'est ses 30 ans, ça arrive pas tous les jours. Quoi. Ouais. Ça fait, c'est la musique de Buffalo Grill quand il y a les enfants qui ont. Salut Guillaume, Jeff, la seule fois où je t'ai vu sur scène en vrai, c'était au cabaret chez ma cousine à Montmartre. Ah, c'est mes débuts. Est-ce que tu en as un bon souvenir? Ah, carrément, j'ai tout appris là-bas, j'ai joué pendant très très longtemps dans ce cabaret, et voilà, je jouais devant 100 personnes, mais un peu moins des fois, devant 3 personnes, et voilà, j'ai appris mon métier comme ça. Bravo. Parce qu'avant toi t'étais électricien au tout départ. Ouais, c'est vrai. Il y a les fils qui se touchent. et donc ça fait 2-3 ans que t'as complètement explosé, mais avant t'étais électricien et tu t'entraînais dans des cabarets. C'était combien de places à l'époque? Je faisais mon métier en fait, hein. Au début, comment tu t'entraînes? Comment on s'entraîne? Comment on devient on sait qu'on est c'est, un... la, bah, c'est la, je pense que c'est la quatrième question qui a dû arriver le plus ce soir. Tout le monde se pose la question, comment on devient, comment ça, bah, comment j'ai travaillé dans ma chambre, voilà, dans mon coin, et ça a donné de la merde. Comment on fait, Jean-Marc, quand il a la chiatte? Merci Gonel, féminin du 49. Salut. Voilà, salut. Il a été diffusé sur TF1, Jeff Panaclock et Jean-Marc. J'ai regardé avec mes parents. C'était Jeff et Jean-Marc font leur show et je me suis marré en famille et tout. C'était énorme. C'est là que je l'ai découvert. Voilà. Et t'as fait un carton, je crois, en plus sur TF1. C'était le record de l'été. Ah, c'était cool. Ah putain, c'est dingue ça. Très content. Ouais. Très content. On avait très peur et voilà. Ça et, s'est bien passé. C'est vrai. Toi, t'es un mec qui a le trac un peu, qui a peur quand je flippe de tout. Voilà. Ah, c'est vrai. Et même quand t'es à la télé et que c'est une diffusion, tu stresses. Est-ce que les gens vont aimer tout ça? Ouais, bien sûr. Je passe du temps à préparer tout ce que je fais et voilà, on se prend souvent la tête, mais pour la bonne cause. Bon, bah, allez le voir. Ça va être bien fait le 5 octobre hein, au cinéma. Vous y allez 19h30. Ça sera la diffusion de Jeff Panaclock, oui. L'extraordinaire aventure. C'est un documentaire sur les 4 dernières années. Tout à fait. Vous êtes 450 et quelques mille à être allé le voir. Donc vous êtes hyper nombreux à écouter l'émission ce soir. Et donc allez le voir si vous avez l'occasion. 19h30. Aller remplir les salles de ciné, c'est un super concept. En plus, vous allez pouvoir le voir en direct en partie. Ouais. Du Grand Rex à Paris. On va faire des blagues et on va rigoler un petit peu. Et, avant. Et c'est présenté par Frédéric Lopez. Ça va être sérieux. Hein. Allez, on appelle un pervers maintenant. JM du Standard, tu parles à des mecs sur des chats de cul. Exactement, pour expliquer. Ouais. Tu les chauffes. C'est un truc qu'on fait vraiment en direct, hein, comme vous pouvez le voir. Il est quelle heure? Il est 23h01. Bientôt 2. Julien Stagiaire, il y a eu du foot ou non, pas? Non, il n'y en a pas. Demain soir, il y a un match. Non. Jeudi soir, il n'y a pas de match. Allez, on appelle. Comment il s'appelle, JM du Standard? Normalement, je t'ai donné. Homme, cherche jeune femme. Voilà. Du 22. Il s'appelle comme ça. Ouais, c'est son prénom. Il s'appelle comme ça. Est-ce que tu veux, toi, lui parler en Jean-Marc ou est-ce que tu veux que je commence et que tu arrives derrière? Commence. Tu veux que je commence? En plus, il est sale. C'est vrai? T'interviens quand tu veux. Allô? Allô? Oui. Ça va? C'est bien. Ouais. Homme cherche jeune femme? Oui. Ça va, c'est Mandarine? Tu sais, on s'est parlé sur le chat de Coco, oui. Je te dérange pas? Ouais, ok. Ouais. Non? T'as une jolie voix en non. Vrai. Ah bon? Ouais. Si, bah, toi aussi, hein. Tu trouves? C'est gentil. C'est cool. Ouais, c'est cool. Merci, hein. Merci beaucoup. Tu vois que je te traite de quoi? Ah, j'adore, moi, quand on me parle mal. Parce que je suis restée en fait 5 ans avec le même mec et il me respectait trop. Maintenant j'ai envie de connaître un peu de trucs sales, quoi. Ça te dérange pas? Non. Je me suis acheté. Je suis allée à un spectacle l'autre jour et ils m'ont acheté un god. Ça te dérange? Ils m'ont offert un god. Ça te dérange pas si je me le mets pendant que je te parle? Ah, vas-y, c'est cool. C'est un god musical, tu sais, ils en font maintenant, c'est à la mode. Attends. Ouais. Et il est content. Oh. Et il est content. Oui. Et il est content. Oh. Alors, putain. Tu es en train de me caresser. Je suis avec moi. Hein? C'est pas bien. Qu'est-ce que t'as envie de me faire, toi? Ouais, ouais. Moi, je remets le pseudo, comme je l'ai marqué sur le... Sur le chat de Coco, oui. Mais moi, tu sais, j'ai envie de te dire tout ce qu'on peut. De quoi? J'adore la pseudo. Oh, j'ai envie de me pencher en avant. Tu veux m'insulter un peu? T'as envie de m'insulter? Tu veux que je l'assume? Oui, vas-y. Que. Oh là, toi. Et il est content. Et il est content. Oh putain. Et il est content. Oh. Enfin. C'est bon. Ça te dérange pas que... Attends, parce que je suis pas toute seule. Tu veux que je demande à mon frère de m'emmener chez toi? Tu veux que je vienne chez toi ce soir? Mais t'habites où? Bah moi j'habite à... Moi je suis dans le 22 là. Ah bon? À Saint-Brieuc. Ah d'accord. Moi je suis à Lamballe. Hein. Bah oui, je sais. Tu veux que je vienne te voir? Ouais, si tu veux. Attends, tu veux que je demande à mon frère de... Attends, je vais demander à mon frère Jean-Marc. Il a une voiture, il peut peut-être me déposer? Ouais, mais moi j'habite sur Saint-Arnaud. Ah bah très bien, t'inquiète. Attends. Jean-Marc? Oui. Jean-Marc? Oui. Tu pourrais me déposer? T'as une voiture, Jean-Marc? Jean-Marc? Oui. Jean-Marc? Oui. Est-ce que... Non, je trouve pas mes clés. T'as une voiture ou pas? Je trouve pas mes clés. Attends deux secondes. Tu pourrais pas me déposer, s'il te plaît? Ah, j'ai des lunettes dans la mer. Parce que j'ai... j'ai un ami là, il s'appelle homme-femme cherche jeune fille. Tu pourrais peut-être me déposer. Ah, là, c'est bon, il a c'est bon. T'as retrouvé les j'ai trouvé mes clés. Ah, super. Tu pourrais me déposer, Jean-Marc? Oui. Ah, c'est... tu veux monter avec moi chez le monsieur? Oui, d'accord. Oui, t'as envie. T'as envie de faire quoi avec le monsieur? T'es par terre? Bah, relève-toi, frérot. Attends. Attends, je cherche mes clés. Ah, voilà. C'est bon. J'ai plein de trucs à faire, hein, attends. T'as envie qu'on aille. Ça te dit ou pas? Tu voudrais monter avec le monsieur ouais, qu'on aille. Tu pourrais lui faire couler de la cire à bougie sur les noisettes? T'es tout excité, hein? T'as la chouquette qui gonfle. Ça te dirait ou pas, homme cher jeune fille? Ben, je sais pas, ouais, pourquoi pas. Ça te dirait? Ah, oh. Eh ben écoute, on va venir, alors je vais venir avec Jean-Marc. Parce que Jean-Marc, c'est mon petit frère, mais lui, il est très SM. Ça te dérange pas? Bah non. Ta femme, elle est au courant que tu te fais cuire la noisette? Allô? Allô? Oui, ça te dérange pas? Parce que je suis aussi avec ma cousine, on va venir tout en famille. Je suis avec ma cousine allemande. Cousine bon, allemande? D'accord. Yeah! Cousine allemande? Yeah! Est-ce que tu pourrais venir avec nous? Avec plaisir, ce serait très sympathique. Est-ce que je suis avec ma cousine italienne aussi? Si, si, il y a celui-là. Voilà. Ah, là, je suis avec toutes mes cousines, une cousine espagnole. Hola, ¿qué tal? Soy la cousine et la cousine Ayante. Yeah. Voilà, on pourrait venir tous ensemble, ça te dérange pas? Et la cousine espagnole, elle fait des branlettes. Hein. Ah, je comprends ce que tu veux dire, André, les ténés. Les nénés, je vais faire des branlettes. Si tu veux, on peut s'organiser comme ça, on vient tous ensemble, non? On va te souffler dans le flotteur. Bon, bah, je t'embrasse alors. Faut que je me mette d'accord avec ma famille, on s'organise pour venir te voir, d'accord? D'accord ou pas? Vous venez en bus, hein? En bus, oui, parce que ma cousine allemande, en fait, elle a une Mercedes-Benz Break. Bien, j'ai un très beau minibus allemand Mercedes. La révision est nickel. Elle a très peu de kilomètres. Bah, si tu viens passer la marche arrière. T'as dit quoi, pardon? Je viens passer la marche arrière quand ça sort le pneu. Ah, hein, ça te dit ou pas? Vous êtes à deux, là. Non. Oh, on est à quatre, hein. Non, on est cinq, exactement. Ouais, on est six, même. N'oubliez pas, les cousines. Oui, à quoi? J'ai niqué l'italienne. J'étais pas au courant. Bon, écoute, je te laisse, chère jeune fille, ok? Oui. Je te rappelle, parce que si tu veux, on pourra s'organiser pour faire des trucs encore plus gras. T'as envie de m'insulter de quoi si je viens? Bah, je sais pas, on verra bien. Il est 23h, tu sais, 23h08, moi je suis chaude. Ouais. À partir de 23h08, je deviens chaude. Allez, avec mes cousines, on a envie que tu nous insultes. Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Insulte-nous! Vas-y! Je lâche la sauce! Insulte-nous! Insulte! En italien! Oui! En espagnol! Insulte en allemand! Fais-nous une petite insulte! Allez! Allez, une insulte pour finir! Allez! Une insulte! Je sais pas, comme ça. Insulte-moi, sale, vas-y, vite! Vite? Je sais pas, là, je me marre plutôt qu'autre chose. Mais vas-y, à la cousine allemande, insulte-nous toi-même! Insulte-nous de grosse chambre! J'ai raccroché! Ah merde! Trop fort, Dacha, vous êtes vraiment fou, j'adore, j'en pleure de rire derrière le volant, trop fort, babar! Merci, babar! Arrêtez, j'en peux plus, c'est énorme, c'est la meilleure émission que vous ayez fait, que j'ai entendue, et il est content! C'est salut, Fabien du 31. Salut, d'accord. Trop fort, il faut l'embaucher sur Énergie. Jean-Marc, salut! Merci, monsieur! Jean-Marc et Jeff Alex, salut! Trop bien l'émission, j'en pleure de rire, dédicace. Franck du 60, salut à toi, man. Je parle italien et sicilien couramment, on peut délirer si tu veux. J'étais chef de village pendant 12 ans en Sicile. Ah, salut, Clemel, salut Guillaume, en direct de et l'internat du lycée. Là aussi. C'est un beau métier pour ça. Ah, je pense que, exactement, ouais. Énorme la cousine allemande, en direct de l'internat du lycée militaire d'Aix. Merci à tous de nous faire rire, dédicace. Salut, ouais. Et merci à Jeff d'être venu à Aix-en-Provence. Et bon anniversaire, JM. Merci du Standard, Vive Castres et Toulouse. Salut les. Man, est-ce que Jean-Marc a une femelle? Est-ce qu'il y a une petite amie, Jean-Marc? J'y travaille. Zach de Caen, je fais les essayages, toi. Jean-Marc, il est énorme, embauchez-le. C'était mort de rire. Salut Pierre de Vichy. Salut Pierre. Jean-Marc président. Ah, bientôt. Plein de messages. Je suis sûr qu'il ferait du très bon travail en tant que président. 2017, les primaires. Ouais, tout à fait. Il y avait un invité magicien qui voulait venir deux minutes. Ensuite, on fera juste prix. On file des places de cinéma. On va en offrir plein pour aller voir le spectacle. Ça sera un documentaire sur Jeff Manaclock qui s'appelle L'Extraordinaire Aventure. Et on a un magicien qui est là. Bonsoir à toi, le magicien. Bonsoir. Salut le magicien. Salut. Bonsoir Jeff. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir le magicien. Bonsoir. Ça va bien ? Il s'appelle Maxime. Il s'appelle Maxime Tabar, exactement, le magicien. Vous vous connaissez ? Oui, on se connaît un peu, on parle de temps en temps. Ah, très bien, et bon, enchanté, Maxime Tabar, t'es magicien. J'ai retrouvé mes clés. Je les avais cachés, c'est pour ça. Et t'es passé sur TPMP, je vois là. C'est vrai. En avril et tout, t'as 18 ans toi, Maxime. C'est ça. Comment t'as été repéré par Ellen DeGeneres ? C'est énorme ça. J'étais en fait sur TF1 avec Arthur. Ouais. Dans 5 à 7, et puis je pense qu'il y a ses producteurs qui ont dû voir un peu ce que je faisais un peu en France, et du coup, on m'a contacté. Mais bon, d'abord, je vais déjà un peu faire des trucs en France, faire mon spectacle et tout ça, et puis après, peut-être qu'on ira là-bas. Ils t'ont contacté pour venir dans l'émission ? Ouais. Putain, c'est énorme. Ah ouais. Ouais, c'est cool. C'était pas un canular ? Non. Il y avait pas une cousine allemande ? Espagnole, je crois. Un petit coucou de Bourg-en-Bresse dans l'un et un gros bisou à Alison qui chasse les Pokémon. Bonsoir François. Salut, je suis mort de rire, vraiment, Guillaume Arnaud de Rennes, derrière le volant. Je roulais en zigzag, dédicace au transport Frigo 7 et à ma femme que j'aime. Je me retiens de rire en direct de l'internat avec les potes. Excellente émission. Salut Xav. Vous êtes un peu plus d'un million chaque soir. Merci les frérots d'être avec nous. Guillaume Radio 2.0, on est ensemble le soir de 22h à minuit. Vous voulez venir délire avec nous, vous êtes chez vous ici. C'est à vous la radio. On fait de la radio ensemble, mais c'est nous derrière le micro, mais c'est vous qui appelez, c'est vous qui faites l'émission comme chaque soir. Guillaume et votre message au 611-12. Le standard, on s'est battu pour qu'il soit gratuit. Vous pouvez nous appeler 0870-42-48. Salut à Solène de Lyon, énorme émission, je me marre trop. Jeff et Jean-Marc sont géniaux. Et bon anniversaire à JM du standard. Merci Solène de Lyon. C'est pas pratique qu'on ait Jean-Marc le jour où JM nous a fait son anniversaire. En 5 ans, c'est la première fois qu'il y a deuxième Jean-Marc dans le studio quand même. C'est vrai. Et en même temps, on va s'en servir parce que vous allez faire un battle de l'humour juste après. C'est beau, ça. Tout à fait. On a une petite surprise merdique pour JM du standard. Je suis un peu déçu de ma surprise. Non, moi j'ai peur. Tu fais genre Guillaume. Non, pas du tout. Non, non, non. Vous avez un truc de fou, vous allez me faire pleurer. Non. C'est sûr que je suis émotif. Non. J'ai 30 ans, je veux. Non. Ah, c'est ton accent qui me donne envie de pleurer. Ça n'a rien. Attention que je suis un autif. Qu'est-ce que t'as dit, j'ai pas entendu. Attention que je suis un autif. Jean-Marc, salut Guillaume, Jimmy de Dieppe. Est-ce que c'est Jean-Marc ou JM qui s'en prend le plus dans le cul ? Ah, c'est JM du standard. Jimmy de Dieppe. Évidemment. Salut la Dream Team. Une fois de plus, vous sortez du lot en invitant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ventriloque que j'ai entendu dans ma vie, puisque je n'en connais pas d'autres. Salut Ghost. Salut Ghost. Très bien ce soir. Bon anniversaire JM. Merci. Bonsoir Sylvain, le maître chien de La Rochelle. Vous êtes hyper nombreux, les frères. Merci beaucoup pour vos messages. Ils nous font super plaisir. Ils font super plaisir à Jeff et Jean-Marc aussi quand vous envoyez des messages. Maxime Tabar, alors toi t'es là, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit attends, est-ce que je peux venir faire un petit tour de magie. Tu connais l'émission ? Ouais, un petit peu. On s'était déjà rencontrés, c'est ça ? C'est ça, il y a très longtemps en plus. Ah, c'est énorme. T'étais venu en bas de la radio, tu m'avais fait un tour ? Non, je crois qu'on s'était croisés, je crois, et ouais, je t'avais fait un tour. Et d'accord. C'était cool. Putain, bah c'est sympa, mec. Ouais. Et c'était quoi alors ? Parce que je me rappelle qu'on m'a arrêté deux fois dans ma vie pour me faire un tour. C'était avec une carte déchirée. Mais je crois que ça me dit quelque chose. Qui était arrivé dans un endroit un peu bizarre dans le studio d'énergie. T'avais marché pour aller récupérer le coin qui avait disparu. C'est vrai ? Ouais. Putain, ça m'a pas marqué. Si, mais je me rappelle qu'on m'a fait un tour. Mais je me rappelle, c'est comme les vannes. Oui, c'est normal. Je rigole de bon cœur et après je les oublie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir, Maxime ? J'aimerais bien essayer. C'est qu'on a tous des codes sur nos téléphones, on est d'accord ? Ouais. Et je vais essayer. T'as ton téléphone ? Est-ce que t'as ton téléphone ? Ouais, Julien. J'ai un stagiaire. Ok, super. Il va prêter son iPhone. Garde-le. Un iPhone 3. Ah, 5C. On va dire, on a la radio. Et je vais vous demander, je vais essayer de trouver. Est-ce que ce serait fort si j'arrive à trouver ou pas à rentrer dans le code avec ton code ? Dans ton téléphone. On a 8 heures là. Tu n'y arriveras pas. Tant que c'est le code. C'est un code. Ok, on va essayer. Si j'arrive à rentrer dans le jeu stagiaire. Ça, c'est pas difficile. C'est plus facile de rentrer dans ton téléphone. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Alors, vas-y, comment tu fais le code dans ton cul ? Alors, regardez. On va tous se concentrer. Alors, surtout toi, concentre-toi sur le premier chiffre. Je le connais, je le fais tous les jours. Alors, juste le premier chiffre, regarde. Dans ta tête, encore et encore. Ok, c'est un peu comme tout le monde. Ouais, je pense que ça commence par un 1. Est-ce que c'est ça ? Ouais. Ok. C'est ton vrai code. J'ai déjà dit. Attends, mais vous trichez pas. Non, c'est mon vrai code. J'ai pas changé. Code, je savais pas que j'allais faire ça. Très bien, très bien. Juste, il y a un truc. Alors, pour le deuxième, c'est un peu facile. Je crois, regarde. Si on compte dans le studio, on est combien ? On est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en comptant. Le caméraman est vivant derrière toi. Mais regarde, si on compte. Jeff, Jean-Marc, Julien, JM et toi, ça fait 6. Du coup, si on fait 1 et un 6, concentre-toi sur le dernier. Ouais. Pourquoi c'est 1, 6 les deux premiers? Ouais. C'est ça? Bah ouais, ouais, c'est. C'est le hasard, regarde. Non, mais vous avez fait. Vous avez non, mais c'est, bah, c'est. JM du standard. Tout à l'heure, je suis à côté. On se connaît pas. Franchement, il n'y a rien eu. D'accord. Le dernier, vu que c'est AP rapide, ça doit être un 0. Et le dernier. Attends. Il l'a le dernier. Bah, regarde, regarde. Le dernier, si on fait ça, normalement, il y a un 4 et ce serait 16-04. Non, non, mais tu l'as pas donné vraiment? Mais non, je te jure, je le connais pas. Ah non, c'est vrai? Mais non, mais il fait peur là. Mais c'est facile, c'est la date de naissance. Bah ouais. Attends, il y a un truc là, il y a un bah, truc. Oui, mais... ah non, non, non. C'est mon cas. Est-ce que vous voulez qu'on essaye peut-être un truc un peu tous ensemble? Vas-y. Avec des cartes, je vais sortir, j'ai ici des cartes. Ouais. Peut-être que Jean-Marc. Oui. Ça te dirait pas de m'aider ou pas pour un tour? Oui, d'accord, ouais. Ok, on va essayer bien, quand même. Je suis magicien aussi. Sérieux, pour de vrai? Ouais. On est peut-être meilleur que moi, mais on va essayer. Nique un truc. Et je l'ai fait disparaître. Bravo. T'es bien ça. J'ai des cartes qui sont ici, je vais les mélanger. Ouais. D'accord, très bien. Jeu de cartes en direct. Hein. C'est ça. Est-ce que Guillaume, tiens, je vais te demander, est-ce que tu peux juste venir me dire stop quand tu veux? Vas-y. Stop. Ok, très bien. Je prends la première. Tu la caches contre toi, je veux vraiment pas la voir. D'accord, très bien. Tourne-toi. Montre-la à personne. À personne. Que à toi contre toi. Ok. Même pas la caméra. Même pas pour l'instant. Dis-moi stop aussi quand tu veux. Vérifie quand même que c'est une bonne carte. Regardez-moi. Non, justement, on va le refaire sans que je regarde. Attends, mais j'aime du standard, il est. Mais il laisse rien. Je ne verrai pas la carte. Dis-moi stop. Mais con, c'est qu'il a pris un jeu de ou non. Stop. Mais là contre toi, tu caches, je veux pas voir. Je peux l'avoir moi ou pas? Oui, que toi. Et viens Julien, ouais. Dis-moi stop, tu vas me toucher une carte, vas-y celle que tu veux. Ah. Celle-ci. Celle-là. Ok, c'est alors bon. Garde-la, on la laisse dans le paquet. On fait un tour de magie en direct, venez d'arriver sur Énergie avec Jeff Panacloc, Jean-Marc qui sont là. Et dis-moi, alors Maxime Tabar qui est magicien qui voulait faire un tour en direct. C'est ça, alors tu le montres surtout pas Jean-Marc, donc tu caches, tu me dis stop. Vas-y. Ok, tu la mets contre toi. Tiens, on a chacun une carte. Tu montres pas à personne. Ouais, à personne. T'es pas censé savoir quelle carte c'est ça. Donc même moi, personne sait, ni Jeff, ni Jean-Marc, personne, ni la caméra. Non, personne l'a vu. Ok, est-ce que Jean-Marc, tu pourrais bien m'aider ou pas pour ce tour? Oui. Ok, super. À ton avis, personne l'a vu. Quelle carte a choisi Guillaume? Je me concentre, hein. Et montre-la si c'est bien ça. Je me concentre. Attends, mais comment tu peux savoir? Regarde, là, je t'envoie la carte qu'il a choisi maintenant. À ton avis. Le roi de cœur! Est-ce que c'est ça? Montre-le à la caméra. Non, c'est pas possible, les gars. Je pense que c'est ça. Ok, vraiment un roi de cœur, les gars. On va essayer plus fort. Pense à ta carte, personne comment, l'a vu. Comment? Vous êtes mis d'accord ou vous avez travaillé avant quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est sûr. On s'est déjà un petit peu parlé, mais je savais même pas que j'allais faire. C'est parce qu'il vient de me dire qu'il faisait des tours de magie. On va essayer. D'accord. Regarde-moi. Moi, je peux briller si tu me sens ma carte. Ouais. Ah ouais. Comme ça, à ton avis, Jean-Marc. Le 6 de carreau. Bon, c'est ça? Je sens que le plus compliqué, je viens vous essayer, c'est chez vous. Octobre, on fait une émission spéciale avec Soprano aussi. C'est un kiff de la faire ce soir avec Jeff Panacloc et Jean-Marc qui sont là. Il reste plus qu'une carte. Les copes. Hein. Il reste plus qu'une carte. Maxime Tabar qui nous fait un tour de magie en direct. Il faut trouver la carte. Okay. Je vais stagiaire. Alors attends. Franchement, on a pris une carte. Franchement, vous avez appris au hasard. On est d'accord. On est d'accord. Franchement, c'est balèze. Je te le dis, franchement, ce que tu fais, c'est balèze, mec. Regarde-moi. Envoie-moi la carte. Regarde, je regarde Jean-Marc. Il n'y a que toi qui l'as vu, je stagiaire. Que moi, ouais. L'as de trèfle. C'est ça. Mais comment tu. Est-ce que vous voulez plus fort? Parce qu'en fait, Jean-Marc est magicien, mais moi, avant de venir, bon, je fais pas des vrais tatouages, mais regardez. 6 de carreau et roi de cœur sur mon bras, et sur l'autre, il y a l'écrit l'as de trèfle. Toutes vos cartes que vous avez choisies. C'est très regarde, fort. Roi de cœur, 6 de carreau et l'as de trèfle. Attends, montre-la la caméra. Ouais, c'est parce que vous avez choisi. Vous sur YouTube complètement au hasard. C'est un jeu avec 3 cartes en fait. Trop stylé. C'est un jeu avec 3 cartes. Vous pouvez examiner, vous pouvez examiner. Toutes les cartes. Elles sont là et vous avez choisi les cartes. Il y a toutes les cartes, j'aime du standard. Ouais, mais elles sont propres en plus. Ça, c'est des cartes de magicienne, ça. Ouais. C'est ça. Oh, le détective. Ouais, tu aideras bien. Eh ben, merci beaucoup. On va applaudir Maxime Tabar. Merci beaucoup. À bientôt. Bravo à toi. On te retrouve où là? Tu vas faire On prépare le spectacle, rien n'est impossible, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir venir un peu partout en France vous rencontrer avec le spectacle. Ouais. Et puis plein de trucs, de la télé, et puis plein d'autres trucs. En tout cas, peut-être d'autres trucs avec vous. En tout cas, avec si plaisir, ça vous dit. Man, avec plaisir. Il a une bonne tête, il est sympa, il a 18 ans, c'est un plaisir. Ouais. Avec plaisir, Flo. Merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. Maxime Tabar qui nous a fait un petit tour de magie ce soir. On a une surprise. Battle de l'humour, je pense que c'est l'heure. D'un côté, Jeff Panaclock et Jean-Marc contre JM du Standard. Il a 30 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il s'en souviendra de ses 30 ans. Ah, au moins, tu t'en souviendras. Franchement, ouais. Et nous allons faire un battle de l'humour. C'est vous chez vous qui allez voter pour le meilleur. Qui est le plus drôle ce soir? Est-ce que c'est plutôt Jeff Panaclock et Jean-Marc? Ou plutôt JM du Standard? Bah oui, votez pour moi, les copains. J'avais noté les blagues, je les retrouve pas pour l'instant. C'est pas grave, il y a la pub avant. Il y a la pub. À l'impro, c'est pas grave. D'un côté, Jeff Panaclock. Tu peux le dire si t'as peur. Oh, j'ai peur. D'un côté, Jeff Panaclock. J'en ai rien à foutre. Avec Jean-Marc. Une blague chacun. De l'autre côté, JM du Standard. Ouais, votez deux, le peuple. Vous allez envoyer Guillaume et une note sur 20 au 6, 11, 12. On va faire la moyenne. Savoir qui va gagner ce soir. Est-ce que c'est JM du Standard pour ses 30 ans? Ah, il va perdre. S'il vous plaît, c'est le soir, là. Ou est-ce que c'est Jeff Panaclock et Jean-Marc qui ont des blagues apparemment exceptionnelles ce soir? Il les a pas pour l'instant, mais il va les retrouver. C'est sûr, il va les retrouver. Je sais le faire aussi avec des cartes truquées. Allez, salut. Non, attends. Mais il y a un truc là. Non, il est très fort. Non, mais il y a un truc. Évidemment. Mais c'est pas des cartes truquées, c'est un vrai jeu de cartes. Ouais. Il a ouvert devant nous. Ouais. Et c'est pas des cartes de magicien granuleuses. Non. C'est des vraies cartes. Non, parce que voilà, je connais. C'est vrai qu'il y a... Ah, tu connais. Après, le mec, s'il est contacté, s'il passe sur TF1, c'est contacté par un moment donné, le mec, il est bon. Il a une bonne tête, il a l'air gentil. Ouais. Et ça, c'est important. Nous, on n'invite que des gens qui ont des têtes de mecs sympas. Ouais. C'est le rendez-vous des mecs sympas. C'est ça. C'est un peu le bistrot du coin. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Bon anniversaire, JM du Standard de Cézim. Merci beaucoup, Cézim. Le code 1604 en lettres, ça veut dire PEDE Saliade. Merci beaucoup. Non, alors, juste, c'est ça? Oui, c'est ça. P, c'est la 16e lettre de l'alphabet et D, la 4e. C'est vrai? Oui. Ah, merci. Non, c'est pas vrai. Ma compte, tu l'as. Attends, c'est ma date de naissance, la meilleure blague. Déjà, non. ABCD, ouais. En fait, la 16e lettre, c'est P et la 4e, c'est D. Donc, mon code, c'est les deux lettres. Mais il n'y a pas les tirs. C'est logique, hein. Non, Jean-Marc. Et Manu, je te baisse, transport Loré, betterave. Salut Ludo. Salut. Allez, battle de l'humour. Ouais. Jeff Panaclock dans un instant. On va faire le jeu, je perds le contrôle aussi, en rapport avec le titre du spectacle de Jeff. Je vous rappelle qu'il est là ce soir, on a la chance de l'avoir avec nous pour toute l'émission de 22h à minuit. J'ai la chance d'être là. À l'occasion du 5 octobre de la sortie. Ça sera au cinéma. C'est une séance unique du documentaire. Ça va se passer le 5 octobre à 19h30 dans toutes les salles de cinéma en France. Il y en a plus de 150 et quelques. Il y en aura dans un cinéma pas loin de chez vous. C'est les 4 ans. L'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock, les 4 dernières années en images, ça va être énorme. Il y aura une partie en direct du Grand Rex rediffusée dans toutes les salles de cinéma. Allez-y, on se retrouve juste après pour le battle de l'humour sur Énergie. À 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Caroline? Oui. De Toulouse? Oui. Quel est le seul animateur radio qui va maintenant doubler ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oh, c'est trop bien. Ton salaire, c'est 1 300 €, je vais le doubler. Tu vas toucher 2 600 €. Ah, que du bonheur. Merci beaucoup, Manu. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Énergie. It's Music Only avec Claudio Capeo en concert. Retrouvez Claudio Capeo pour sa première tournée dans toute la France et le 6 décembre à la Cigale à Paris. Infos et réservations, énergie.fr, claudio-capeo.com et point de vente habituel. Claudio Capeo, en concert, un événement énergie. Qui sera le prochain président des États-Unis? La voiture autonome est-elle le transport de demain? Peut-on encore rencontrer sa future femme ailleurs que sur son téléphone? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I've given in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. Un singe et un animateur radio sont dans la même pièce. Oui, je sais, on dirait une blague, et pourtant... Jeff Panaclock est chez Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, on est là. Une story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Allez, Guillaume Radio 2.0, ce soir toujours avec Jeff Panaclock qui est là ce soir. Ça va toujours? Ça va. C'est trop bien. Avec Jean-Marc aussi, hein, qui, oui, est là. Et c'est les 30 ans de JM du Standard, ouais, aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Ah, ah, là, merci, là, tout le monde, merci beaucoup. On fêtera ça. Hein. Ouais. Samedi, dimanche, malheureusement, on voulait le fêter avec JM du Standard, mais il descend voir sa famille et ses potes. Le week-end prochain, c'est un peu un lâcheur. Pourquoi on prend pas le train samedi? On va à Marseille. Venez. Venez tous. Alors le mec, il se chauffe. Mais non, mais direct, tu nous invites. Bah oui, évidemment, c'est chez mes parents. On dort où? C'est chez mes parents. On est des parents et ils ont pas. Venez. Ils font un lit pour Jean-Marc. Évidemment, il est tout déjà prévu. Seul. Voilà. Vous êtes les meilleurs, les gars. Jean-Marc, t'es le meilleur, t'inquiète, on pense à toi. Ouais, je sais. Jeff, je suis mordeur quand je vous écoute. Salut, bonsoir à toi, joyeux anniversaire, JM du Standard. Merci beaucoup. Guillaume, j'ai jamais reçu mon cadeau, je suis triste. Ah, c'est normal, si ça fait moins d'un mois parfois les PS4. Ouais, c'est ça. On les recommande ou il y en a pas assez, mais ça arrive toujours, hein, les gars. Pour moi, le meilleur monde. Pour moi, le meilleur monde des magiciens, c'est Dynamo. Salut à toi. S'il y en a un, parce qu'il y avait un magicien qui était avec nous juste avant, tout à fait. Maxime Tabar, qui était très bon aussi. J'aimerais que Jeff me fasse comme à Jean-Marc. J'aimerais avoir un avant-bras dans les fesses. Il est juste un stagiaire. Non, c'est pas drôle. Avec le nom. N'importe quoi. Bon, alors on va retrouver dans un instant vos questions au standard. Si vous voulez venir, vous êtes à la maison, les gars. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire un battle de l'humour. Et juste avant, j'avais une question, c'est ce que pensent les enfoirés de Jeff. Voilà, les enfoirés, qu'est-ce qu'ils pensent de Jeff? T'es rentré les enfoirés l'année dernière, c'est ça? Ouais. Ça t'a plu d'ailleurs de faire les enfoirés? C'était un rêve de gosse. Comment ça se passe d'ailleurs? On fait les enfoirés la première fois? Bah, la première fois, on arrive dans Bercy vide. Et on rencontre la moitié des stars françaises. Voilà, c'est très très chelou en fait. Ah, c'est l'affaire bizarre. D'avoir des discussions normales avec des gens qui sont pas normaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ah ouais. Tu vois. Tu te retrouves en tournée. Ouais, tu manges des saucisses avec Jean-Jacques Goldman. J'adore les saucisses. Ah, c'est vrai. Putain, ça doit être ouf ça. Comme le stagiaire. Le stagiaire n'aime pas que les saucisses. Ouais, pour un petit peu plus tard. N'importe quoi. En 2016, t'as intégré les enfoirés. Ouais, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est que tu les connaissais tous déjà avant. Bien avant de les rejoindre. Hein. Dès le lycée, t'étais en cours avec Gérard Jugnot, qui en garde un très bon souvenir. Ah oui, c'est vrai. Peut-être dans les chiottes là, au lycée, mais bon, c'était pas très vraiment homosexuel. C'était en attendant de rencontrer des filles. Il n'y a jamais pénétration. D'ailleurs, c'est lui qui t'a fait remarquer que deux sexes, c'est pas normal, et tu décides de te faire opérer. Tu rencontres un mec qui s'appelle Black M, qui avant d'être rappeur était médecin. Il nous expliquait pourquoi il l'avait fait. Un deuxième membre, c'est toujours compliqué. Et après l'opération, tu trouves ta voix, tu intègres une école de ventriloquie et tu es avec Amel Bent dans ta promo. Elle a pas de marionnette, elle, donc elle galère un peu. J'ai voulu faire ça avec ma petite sœur, mais elle a failli s'étouffer. Alors, du coup, bah, voilà, tu montes ton premier spectacle et il y avait un petit rituel à la fin à chaque fois. C'est MC Solar qui vient sentir ton point, celui que tu mets dans Jean-Marc, mais pourquoi ? Parce qu'il sent, on sent qu'il a servi. Tu t'intègres le showbiz après et tu tombes dans la drogue, malheureusement. Et c'est Jennifer, ta dealeuse, hein, elle a fait pousser sa propre bœuf, qui est tellement forte que tu lui demandes comment elle fait. J'essaie de faire de mon mieux pour en faire de la bonne. Voilà. Et après, tu commences aussi à fréquenter les boîtes échangistes. Là-bas, tu croises Zaz et tu connais ta première expérience de facial. Mais c'était magnifique, hein, c'est magique, c'est cette immaculée de blanc. Et en fin de soirée, il y a même Michel Larocque, hein, qui est léché le seul de la boîte. Alors tu lui as demandé pourquoi elle faisait ça. C'est une digestion qui est moins laborieuse. Ça commence déjà dans la bouche, la digestion. Et en sortant, tu croises Louane au vestiaire. Elle est en train de fouiller dans ta veste. Tu lui demandes ce qu'elle fait et te répond. Je veux, comprenez bien, je veux. Et pour pouvoir intégrer les enfoirés, tu décides de créer un buzz, une sextape avec M. Pokora. Il nous a dit d'ailleurs qu'il avait eu très mal aux fesses ce soir-là. Ça, c'est un mal pour un bien, puisque la vidéo est une des plus vues sur YouTube et sur Internet. Et t'as même fait participer un autre chanteur, un Garou, qui en garde un très bon souvenir. C'est la soirée de ma vie, je pense. Et j'ai jamais re-regardé ce DVD. Je devrais le regarder, parce que oui, c'est une des grosses soirées de consécration de ma vie. C'est voilà, c'est évidemment pas vrai. Ah bon? T'es le meilleur, Jeff, je t'écoute depuis tout petit. Ça fait plaisir, les gars. Merci, hein, pour vos petits messages. Ouais, là, merci. Ouais. Salut, alors, qui va gagner le battle de l'humour? Je vous propose qu'on commence. J'envoie Charlie Pousse, on va s'envoyer un morceau. Ouais. JM du standard. Dans la gueule. JM du standard. D'un côté, tu vas rester à ma gauche. Avec plaisir. Jeff Panacloc avec Jean-Marc, vous allez être à ma droite. Mm-hmm. Et vous tous chez vous, vous allez envoyer une note pour chacun. Qui est le plus drôle ce soir? JM du standard, ouais. Je vous annonce, hein, il n'est pas du tout venu pour jouer. Il est venu pour gagner. Là, j'ai un adversaire et tout, là, je suis trop chaud. Là. Ah, c'est vrai? Ah, ouais, là, vraiment. Ouais. Bon, on se fait le nouveau 21 Pilots. On se le cale maintenant. On a des places à vous offrir d'ailleurs pour 21 Pilots. Il y aura le double hit aussi avec les iPhone 7. Ils tombent quand les iPhone 7, Flo des cadeaux? Demain. Très bien. Des canons. Et ben, t'as dit quoi? Ils tombent des canons. Jean-Marc, si tu peux dire à mon mari Nono qu'il me fait chier, mais que je l'aime quand même, il est à côté, ce con. Salut à toi. Nono, tu fais chier. Jean-Marc, c'est le meilleur, il me fait rire. Émission de malade, salut les gars là. Merci. Est-ce que Jeff va retourner sur l'émission de Patrick Sébastien, Mégane du 56? Moi, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'attends d'être invité par Patrick. Est-ce que Jeff est avec est-ce que Jeff dort avec Jean-Marc? Salut à toi. Est-ce que Jeff, je pense pas qu'il dort avec Jean-Marc? Non, pas encore. Ils ont chacun leur vie, hein. Trop fort. Jean-Marc, dédicace au betteravier de Boiry. Qui, celui qui chope le plus, est-ce que c'est Jeff ou Jean-Marc? Bonsoir, femme du... Ah, c'est logique. C'est donc Jean-Marc. Ah, c'est moi. Ah, voilà. C'est quoi ton style de femme, Jean-Marc, tiens? Ah, celles qui sont vivantes. Il est fort quand même, Jeff Malak. Ah ouais. Voilà, vraiment, là, il m'impressionne, hein, je vous dis. Ah. Voilà, et moi j'ai vu le spectacle et je me suis dit, putain, le mec est quand même ultra balèze. Ah ouais. Vraiment, ça m'a impressionné. Faye, je lui dis, parce que ça m'a impressionné. Sympa. Comment. On t'invitera à manger une raclette. Comment ça va vite? Comment c'est, parce que c'est vraiment c'est une performance de fou. Impressionnant. JM du standard, il est revenu du spectacle et quand je lui ai dit qu'on allait recevoir Jeff Manaclock, il m'a dit putain, vraiment, c'était. Non, il m'a dit quoi? C'est vraiment une explosion. Non, une explosion de saveur. C'était rigolo. JM du Standard, t'es prêt pour les vannes? Je suis prêt, Guillaume. Allez, battle de l'humour, on se le fait juste après 21 Pilots, maintenant le nouveau. Il s'appelle Ethan sur Énergie. Bonne nuit les gars, si vous avez des petites questions à poser, venez délire avec nous, vous êtes tous les bienvenus. Et après, il y a la petite surprise, quand même pour l'anniversaire. Ouais, je veux ça, il y a un truc là, je sais pas pourquoi. C'est un peu ribou la surprise. Non, franchement, on a pas eu la grosse. Non, elle est bien. En vrai, on a fait mieux. On n'a pas eu la grosse. Je te jure qu'on a fait mieux. Non, je ne sens pas, il y a un truc. Oui. Allez, on le fait juste après sur Énergie. Merci les poulets d'être là. Pour la fois, je dis poulet. Pourquoi t'as faim, non? Je sais pas, ouais. Allez, trop mangé au KFC, ouais, c'est moi. C'est poulet, moi. J'ai envie de mettre une patate à moi-même. Je parle que ça, là. Allez, 21 Pilots, les mecs. Ethan, on se le cale. Et puis Charlie poussera tout à l'heure, avant minuit, sur Énergie. Guillaume Radio 2.0. Excuse-moi, Jean-Marc, j'ai un mauvais accent anglais. Ouais. Je parlerai anglais tout à l'heure, on verra. Yes. You don't know the half of the abuse. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Un ventriloque, un singe et un animateur radio sont dans la même pièce. Oui, je sais, on dirait une blague, et pourtant... Jeff Panaclock est chez Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit. Allez, sur Énergie. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Mais si ça marche! Hey, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Avec Jeff Panaclock et Jean-Marc. C'est quand on est né en écorneau. Alexandra. On écoute du M Pokora. Ouais, ce soir, cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Attends, il est là. C'est vrai. Jean-Marc, tu déchires la dédicace à Johan de Kevina, la cigogne. Salut à toi Kevin à la cigogne. Super émission avec Jeff et Jean-Marc, ils sont vraiment géniaux. Joyeux anniversaire aussi à JM du Standard. Merci beaucoup. Candice du 35. Salut Candice. Ça fait plaisir. On a fait un décor et j'aimerais bien qu'on la fasse tout le temps comme ça. Mais ouais, messieurs. Non mais attends, on va laisser la jungle. Ah ouais. Je crois qu'on va se faire une semaine de jungle. Ils vont pas arroser les plantes. Hein. C'est clair. Tu sais qu'ils étaient pas contents. On a fait ça sans aucune autorisation. Ah ouais. Pas le droit. On est arrivé. Il y a quand même deux camionnettes d'un comment il s'appelle? C'est la jardinerie naturelle botanique. Voilà, ouais, c'est ça. Embrasse, ouais. D'ailleurs. Merci. Ouais. Ils sont venus avec deux camions. Et quand on n'avait pas prévenu la sécu, ils n'ont pas compris ce que c'était que deux camions qui venaient livrer les trucs et tout. J'ai mon patron qui m'a dit c'est une blague, point d'interrogation. les trucs arrivaient tout à l'heure. Il m'a dit les bananes, c'était peut-être de trop. C'était son deuxième SMS, je vous jure que c'est vrai en plus. Battle de l'humour, est-ce que t'es prêt, Jeff et Jean-Marc, oui, vous êtes prêts? Oui. Allez, très bien. Je suis pas un habitué comme vous. Hein, j'aime du temps. Non, moi non plus, je bug tout le temps, t'inquiète. Arrête de faire le beau, j'ai pas. Je fais pas le beau, j'ai justement que je bug, tu vois. Pour une fois qu'il a gagné. Allez, on va voir du coup. On se fait des places. Après, on vous offre les places pour aller voir Jeff Panaclock le 5 octobre à 19h30. Il y aura une diffusion dans tous les cinémas en France. Vous pouvez y aller, 150 salles de cinéma. Est-ce qu'il y a un site pour savoir sur quelle salle on peut le voir oui. ou pas? Eh bien oui, jeffpanaclock.com. Magnifique. Il a un site à son nom. Et ben voilà, vous pouvez aller voir sur le site donc du coup jeffpanaclock.com et il y a tous c'est les. C'est très bien fait. Il y a une petite carte de France où on peut choisir. Ça reste sympa. Hein. Comme le bon coin. Voilà, exactement. Exactement. Et oui, comme le bon coin. J'adore quand il fait ça. Alors moi c'est vraiment, alors là. Oui. Moi ce que attends, le moment où j'éclate de rire à chaque fois dans le truc, c'est quand Jean-Marc se met très près de la tête de Jeff et qu'il fait bien sûr. Ouais. Voilà. Peux-tu parler des virantes de l'espoir? Ah bah avec plaisir ma chérie. Tu me laisses ton numéro et je t'appelle et on te fait ta petite promo pour les trucs caritatifs, on les fait tout le temps avec grand plaisir les mecs. Faut juste me laisser vos numéros, sinon moi je vois pas les numéros d'appel et je peux pas vous rappeler. C'est le 5 octobre à 19h30, vous pouvez aller voir, ça s'appelle L'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock, c'est les 4 dernières années, un documentaire qui est hyper bien monté, il y aura une partie en direct qui sera faite de la salle du Grand Rex à Paris dans laquelle vous pouvez en plus aller. Mais si vous êtes dans tous les cinémas en France, ça sera rediffusé en partie. Ouais, c'est un rêve de gosse de te retrouver comme ça. Ouais, non, mais je suis fier en plus parce que c'est pas juste parce que je suis dedans, mais voilà, on a hyper bien travaillé. J'ai des potes qui ont fait la musique du doc. Voilà, la voix off, c'était aussi un rêve de gosse de l'avoir dans ce documentaire. Donc voilà, je suis très content de ce qu'on a fait. C'est un vrai mec qui bosse beaucoup et on en a vu des mecs dans le milieu et tout ça. C'est un des mecs qui, enfin, c'est le mec qui bosse le plus. Je vous le dis vraiment de tout ce que j'ai vu et c'est un vrai bosseur et le mec qui s'applique, qui est consciencieux et. Il fait des fautes. Et ça va. De français. Non, tu fais pas trop de fautes d'orthographe. Moi, si. Ah, c'est vrai. Il a inventé les fautes d'orthographe. Allez, on y va. Battle de l'humour, première blague. Ouais. Est-ce que tu veux commencer, Jean-Marc, ou tu laisses commencer JM du Standard pour son anniversaire? C'est toi qui choisis. Non, vas-y, commence. Allez. C'est toi qui es l'invité. Allez, vas-y, Niskin. JM du Standard. Ça, c'est bon, ça. Ouais. T'as dit quoi? Niskin. Allez, JM du Standard, on va voir. Et t'as intérêt à le gagner, t'as 30 ans. Il faut. Et Jean-Marc, t'as intérêt à le gagner aussi. Il y a tous les mecs de sécu qui sont devant. Je te dis, j'ai un problème. Ils ont pété la gueule. Allez, on y va, JM du Standard, c'est parti. Ouais. Donc ça tombe bien, c'est Jeff en fait qui va chez le vétérinaire et qui demande au vétérinaire de rééquilibrer un peu son singe Jean-Marc parce qu'il court un peu de travers depuis 2 mois, quoi, tu vois. Alors le vétérinaire il fait monter Jean-Marc sur sa table et lui écrase les couilles entre deux briques, quoi, tu vois. Et là d'un coup Jean-Marc il saute du bureau, il fonce tout droit, il défonce la porte, on le voit même plus tellement il est allé loin. Et là Jeff il dit au vétérinaire ok c'est cool, il va tout droit, mais maintenant je fais comment pour le récupérer? Et là le vétérinaire il regarde, il dit bah vas-y, monte sur la table. Oh non! Ah si! Non, putain, non! Elle marche pas, putain, tu l'entends bien qu'elle marche pas! Ils ont pour explosé. Les 30 ans! Ah si! Ah mais si! Non, ça non, va. Non, c'est pas assez fort! Ah, pourtant, ça a fait. La fin, il a appuyé quand même! Ah bah oui! Non, c'est pas assez fort! Bon, allez, on y va! C'est au tour de Jeff Panaclock ou de Jeff ou Jean-Marc? De toute façon, c'est une blague de nerd comme lui! On commence avec toi? Ouais, non, mais je suis content, moi! C'est parti, ta première blague, on t'écoute! Alors c'est un Chinois, un Américain, une Portugaise et un Belge qui rentrent dans un bar. Donc voilà, ils s'avancent tous ensemble vers le comptoir. Ils s'assoient donc un par un là sur les tabourets. Et là il y a le barman qui dit « Dis donc, vous êtes venus nombreux aujourd'hui. » Ah oui, c'était deux. Ouais, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Bon, bah. Ah ouais. C'est de la merde, ce truc. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Peut-être que JM nous en aura une chance. Ah, bah, attends, je savais pas. Le mec, il fait des blagues premier degré, quoi. Ah ouais. Hey, alors, vas-y, on va voir. Deuxième blague pour JM du standard, c'est à toi. Alors, en fait, c'est un père de famille qui rentre chez lui en voiture, tu vois, et doit passer par une forêt où il y a un vampire. Donc, il stresse et tout en espérant ne pas croiser le fameux vampire. Et le mec, il roule, et il tombe sur ce vampire. Il lui arrête la voiture, il dit voilà, je suis le vampire de la forêt. Alors, soit je te mords et tu deviens un vampire, soit je te sodomise. Alors, le mec, il pense à sa famille, à ses enfants. Il dit bon, bah, allez, je me fais sodomiser. Alors, il lui met les deux mains sur le capot et c'est parti. Et bim, et bim, et bim. Il se fait sodomiser. Et un moment, le vampire, il s'énerve, il fait oh, tu pourrais mettre un peu du tien, tu vois. Et le mec, il fait ouais, mais je suis pas homosexuel. Et le vampire le regarde, il dit et moi, tu crois que je suis un vampire? Merci. Moi j'aime bien. Tu l'as pas fait il y a une semaine? Non. Moi j'aime bien. Non, c'est vrai. Non, il y a très longtemps, une fois et en privé en fait, on l'avait fait. En privé, ouais. Je fais des diffusions privées. Je fais des showcases, Guillaume. Des showcases, blague. Ah, ok, il y a beaucoup de mecs, je sais qu'il y a tout le monde. Hein, ouais, les gars, ça y est, c'est les 30 ans de. C'est vrai, non? Je te jure, je suis pas serein. Je crois qu'il s'inquiète pour les arbres en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça, il tourne. C'est en fait, il est le garde du corps des plantes. C'est botanique, ils avaient ça là. On y va, c'est parti pour la deuxième. Alors, ça, c'est celle de Jean-Marc. Ah, moi, j'ai la meilleure blague du monde. Ah, très bien. Alors, on y va. C'est parti pire. Pour ta blague, on t'écoute. Alors, c'est deux putes dans un ascenseur. Non, t'as peut-être pas faire ça là. Non, peut-être pas. Vu qu'il est. J'ai pas fait, moi, comme pourquoi ça. T'es claustro? Non, mais. Non, il est 23h45. Ok. Vas-y. Alors, c'est deux putes dans la rue. Non, c'est autre chose. C'est les putes, le problème. Attends, je t'ai dit dans quelle rue? Non, pas les. Les putes? Non, pas les putes. Non, okay. pas les putes. Alors, c'est deux filles gentilles et ouvertes. Ouais. Elles sont assises sur un don tranquillement. Ouais. Et soudain, elles se bouffent le cul. Alors, devant un berger allemand. Non. Tu peux pas faire ces trucs comme ça. Bon, d'accord, ok. Ouais, allez, c'est ce genre de blague, ouais. C'est chaud. Ouais. On est sur la plus grosse radio du monde, d'ailleurs. D'accord. Bon, j'en fais une autre normale. Vas-y. Alors, c'est un aveugle. Non. Plus vous êtes nombreux à nous écouter, on vous embrasse. C'est un aveugle, il rentre dans un bar. On va dire. Autre chose. Si, attends deux secondes, je l'ai fini quand même. Non, t'as pas une autre, non? Si. Celle-là. Ah d'accord, ok. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, voilà. Et qu'il rentre dans une chaise. Ouais, non, c'est ok. Il rentre dans une table. Ouais. Du coup, le barman le sort. Il sait. T'as vu pas l'affaire. Et il l'a fait vraiment? Ah, il l'a fait vraiment. Il l'a fait vraiment. Très bien. C'est fini? C'est tout. Merci beaucoup. Eh bien. Bon, ben voilà, c'était le battle de l'humour. Jean-Marc. Vous allez voter pour le meilleur. Hein. Guillaume est 1 pour voter pour JM du standard. C'est 30 ans. Votez 2. Guillaume est 2 pour Jeff Panacloc et Jean-Marc. 2. On vous file. Alors. La vraie peluche de Jean-Marc dédicacée par Jeff Panacloc, on vous l'offre dans 2 minutes sur Énergie, j'avais promis de le faire. Salut Guillaume et votre message. Est-ce que il y a toujours des programmes courts prévus à la télé pour Jeff et Jean-Marc? Est-ce que tu peux lui demander? Je fais partie de sa famille. Salut à toi Amandine. Et on travaille dessus, on a beaucoup de travail, c'est très très dur la télévision. Et comme j'écris le deuxième spectacle, voilà, on peut pas tout faire en même temps et je privilégie la scène. La scène. Wow. Pour faire des showcases comme JM du standard. Tout à fait. Guillaume donc et allez-y pour les notes sur 20 aussi. 11-12, 20 sur 20 pour JM du standard, Eric du Vigneux. Merci beaucoup. 10 pour Jeff Cyril du 84 pour la première. Merci. Salut Guillaume. Ah non, c'est voté 1 ou 2, pardon. Ah ouais. Oui. Putain, c'est vous qui me rappelez comment sont les règles. Guillaume est 1 pour Jeff et Jean-Marc. Guillaume est 2, vous envoyez pour JM du standard. Si et, oui. Et on va regarder les pourcentages de vote. Je vous file les places juste après. Jean-Marc, est-ce que ça te dit, Jean-Marc, d'animer seul pendant 1 minute? C'est chaud. Énergie. Et quand je te dis seul, c'est vraiment on sort tous ensemble du studio. Tu te retrouves tout seul à ma place. Tu viendras à ma place, Jean-Marc. D'accord. Et tu vas animer seul. J'ai fait ton petit jingle et tout, hein, tu vois. D'accord. Est-ce que tu te sens capable ou ça te fait peur? Oui. Alors regarde, je vais mettre ce jingle après. Pendant 1 minute, Jean-Marc anime seul. c'est Jean-Marc Radio 2.0 sur Énergie. Voilà, et après tu feras une minute tout seul, d'accord? D'accord. Alors on va, je préviens juste à l'extérieur du studio qu'on va, on va sortir dans 20 secondes pour laisser Jean-Marc animer seul. Donc s'il y a des surprises, que la surprise s'en aille, voilà, que la surprise marseillaise s'en aille, que Jules s'en aille si vous voulez en dehors des studios. J'aime du standard, est sûr que Jules va arriver pour chanter pour lui. Le mec c'est Michael Jackson, il fait venir. Je suis le chasseur de la poire, ouais. Ça va être toi seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme. Alors, 1-1 pour Jeff, 1-1, je vote 1, je vote 2, il ne peut pas avoir mieux que Jean-Marc, 20 sur 20. Merci. Bon anniversaire, JM du standard. Merci. Timothée, 2, bon anniversaire, JM, 1, je rêve d'avoir la peluche, je rêve de l'avoir, et ben on vous les offre dans 2 minutes sur Énergie. Il va bien se débrouiller, je vote 1, 2, c'était énorme, je vote 1 pour JM du standard. Alors, vous n'avez rien compris aux chiffres. En fait, bref, c'est que JM du standard et Jean-Marc, c'est compliqué à comprendre. Donc vous savez quoi, on va dire qu'il y a égalité ce soir. Ah, énorme. Non, mais c'est rare, c'est énorme, rare. Énorme. Mais vous partagez cette victoire à tous les deux, il y a égalité. Faites-moi un bisou. Voilà Jean-Marc. Je te le ferme. C'est vrai. Je voulais taper à toi. Il a tendu la main. Bah oui, j'aime les standards qui veulent checker Jean-Marc. Non mais il est énorme lui. Ah ben voilà, c'était la meilleure blague du battle. Mais tout en live, j'aimerais trop voir Jeff et Jean-Marc morts de rire. Si je confirme, il a déjà fait cette blague, Jim Sanda. Il y a très très très longtemps, c'est un classique en fait. C'est une des meilleures blagues, donc je me suis dit voilà, vu l'adversaire, on va sortir les missiles. Bon, vous savez quoi, on envoie la pub tout de suite, il y a une minute. On va se retrouver juste après sur Énergie. On est là jusqu'à minuit 5, allez ce soir. Michael, on s'excusera, il attendra 5. C'est mon cadeau d'anniversaire, c'est 10 minutes d'anniversaire. Jim Sanda, il a 30 ans aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir Jeff Panacloc et Jean-Marc. Je rappelle juste le 5 octobre, n'oubliez pas, 19h30 dans les cinémas. Il y aura une séance unique pour aller à l'extraordinaire aventure de Jeff Panacloc. Ça dure combien de temps là? Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande par SMS. Ça dure, je crois, 1h30, 1h40, il me semble. Je vous file juste après la vraie poupée dédicacée par Jean-Marc et Jeff Panacloc. Belle décision de l'arbitre. Bravo Guillaume. Ah, bravo. 50-50. On se retrouve juste après. Jean-Marc animera tout seul pendant une minute sur Énergie après ça. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash. On écoute. Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. En place pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris et le jeu FIFA 17 sur PS4. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Et vous gagnez votre jeu FIFA 17, l'iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Énergie. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Énergie, it's music only, avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Infos et réservations, énergie.fr, gdp.fr et points de vente habituels. Shawn Mendes, en concert, un événement énergie. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis et pourquoi pas trouver l'amour. Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service, simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B, au 63602. Rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais il me décalé ton fusée. Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Okay. Allez, sur Énergie, retour. pendant 2 heures. Vous allez bien? Jeff Panaclock devient animateur radio. Jeff Panaclock et Jean-Marc co-animent Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Putain, c'est quoi cette musique? Putain, l'ancienne sur Énergie. Ça va toujours, Jeff Panaclock? Ça va? Il est avec nous ce soir. Avec Jean-Marc. Ils sont là tous les deux jusqu'à minuit. Tout à fait. C'est passé trop vite. Hein, ah ouais, c'est vrai, on voit pas le temps passer. Non, mais d'accord. Vraiment, c'est. Vraiment, laisse-moi. Ça a passé une vitesse. Oui, je vous disais, 2 heures. Temps de rentrer chez toi, Peluche, moi je veux la. Peluche, s'il te plaît, mon filleul de 12 ans est fan. Salut Jimmy de Dieppe. Eh ben, vous savez quoi? Qui va l'acheter? Vous savez quoi? Vous envoyez Guillaume un espace et vous envoyez Guillaume un espace et Peluche avec votre numéro au 6 11 12. Flo des cadeaux et Julia sont devant le standard. Ils vont avec le logiciel taper sur la touche F8. Ça nous sort un numéro au hasard. C'est le principe des tirages au sort ici. Guillaume un espace Peluche avec votre numéro au 6 11 12. On va prendre l'un d'entre vous. On va lui offrir la peluche dédicacée par Jeff Panaclock. Et en plus, allez où elle est là. Et on a des places de cinéma à vous offrir pour aller voir l'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock le 5 octobre à 19h30. Prévenez vos parents, vos potos et prévoyez d'y être à 19h30 pour avoir vos places, etc. Voilà, il y a toutes les dates sur le site de Jeff Panaclock. Donc vous pouvez aller voir ça, jeffpanaclock.com. Tout à fait. Je suis extrêmement bon. Faut le dire. Il est l'heure de la petite surprise de JM du Standard dans 2 minutes. D'abord, Jean-Marc, est-ce que tu veux animer seul? Est-ce que tu te sens d'animer seul? Oui. Est-ce que tu vas venir à côté de moi du coup? Alors viens à ma place, tu vas te mettre à ma place. Il y a carrément tout le monde, hein, même Eric qui filme le caméraman va sortir. Tu vas te retrouver tout seul derrière le micro. Et je vais t'envoyer hop, le jingle ici. Ah, il y a des plantes partout. Alors, attends, vas-y, passe, t'inquiète pas, on a le temps. Je vais te filer le casque, ok? Tu vas juste appuyer sur cette touche là pour envoyer le jingle. D'accord. Et dès qu'il est fini, il faut que tu tiennes pendant 1 minute, d'accord? D'accord. Allez, j'ai un petit compteur ici. Ouais. Voilà. T'es prêt ou pas? Oui. Allez, très bien. Attends, tiens, prends le casque. Attends, faut mettre le casque. Je te donne le mettre. Non, le con. Et t'appuies là quand tu veux commencer. Hein. Ok. Ok, allez. 3, 2, 1. On sort du studio. Et ouais, je sais pas. Seul, c'est parti. Ouais. Pendant 1 minute, Jean-Marc anime seul. C'est Jean-Marc Radio 2.0 sur Énergie. Bienvenue sur RFM. Tout de suite, on écoute une chanson chiante de Joy Jonathan. Adieu, se faire chier. Ouh, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des messages quelque part. Ouais, des messages à la con, ouais, avec des numéros de téléphone. J'ai peut-être en ramasser quelques-uns, hein. Alors, écoutez, les jeunes, ce qui est important dans la vie, il faut que je vous le dise quand même, parce que c'est des trucs importants dans la vie qu'il faut faire. Faut pas travailler à l'école, d'accord? Il faut faire de la télé-réalité et faut avoir plein de followers sur Instagram. Voilà, c'est ça qui est important. Tu donnes ton cul en photo en gros plan, voilà. Comme ça, tu deviens comme Loana et tout ça, tu deviens gros et tu meurs seul, tout seul. Voilà, alors on en est à combien de temps là? Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Ah, on a pas de compteur, l'autre il fait du nito. J'ai net un compteur et en fait, il y a plein de compteurs. Bah, raconte ta vie, on sait même pas où sont les messages en fait. On est comme des cons, tu peux le dire. Ils sont là, les messages, voilà. Donc il y a des mecs qui mettent peluche. Ah, t'as ce qu'ils veulent gagner une peluche en fait, attends, c'est ça le truc. Je te mets les messages, voilà. Je repars, vas-y. Du coup, on a perdu, on retard pour une minute. Envoyez vos Guillaume et un message pour Jeff, il va les lire au 612 maintenant, allez-y. Ouais. Vas-y, je te laisse. Encore une minute. Casse-toi. Encore une minute. Encore 10 minutes. D'accord. Ouais, mais 10 minutes, je vais jamais pouvoir tenir. Surtout sur Énergie, on est trop intelligents, les mecs. Alors, les gamins, on fait quoi? On se branle sous la couette, ça y est, il est minuit. Alors, on en est où? Voilà, peluche, moi je veux une peluche qui nous fait mon fiole de 12 ans. Alors, on l'a déjà dit, ça, le mec il envoie tout le temps le même message en fait. Il doit être bloqué, j'en sais rien. Alors, peluche, et moi je te lire les messages pendant une minute, hein. Peluche, et j'ai envie de dire un numéro de téléphone à l'antenne. Non, tu fais pas ça. D'accord, peluche, j'aurais d'avoir la peluche dédicacée. Merci. Non, mais c'est pas facile. Et c'est vrai que t'avais pas de chance. C'est qu'en fait, les messages, vous étiez hyper nombreux à avoir. Avoir peluche. Et voilà, Guillaume et Peluche avec votre numéro au 612. On va prendre un gagnant dans 30 secondes pour terminer ce soir. Et on va prendre plein de messages avec Marc et Peluche pour offrir des places de cinéma en plus. Ok. Flo des cadeaux, tu me sors une peluche et 10 places de cinéma. On va les offrir. On va les offrir même hors antenne après l'émission. On va en prendre quelques-unes avec nous avant la fin. On se fera Pitbull et Florida. Ouh. to the crash course. I like the cleanest, cleanest, cleanest. Et alors, attendez, est-ce que c'est bon ou pas? Non, attends, j'aimerais bien pour faire plaisir à Jeff, le petit cadeau de Jeff. On a un petit cadeau pour toi. Ah bon? Ouais, bah oui, quand même, attends. Bah oui. On fait toujours un petit cadeau. Ah bah oui, oh, merde. Et encore, on a pas. Alors, trop fort, Jeff, salut Guillaume, Alex, je l'adore. Je vais aller le voir dès que son deuxième spectacle. Est-ce qu'il a une idée de quand il arrive le deuxième spectacle? J'ai trop hâte de le voir. Ouais, j'ai dit, on repart en février, voilà, je crois le 9 février, la première date à Avignon, il me semble. Et voilà, c'est on repart en rodage, donc on construit le spectacle avec le public. Salut Jean-Marc, comment tu fais avec les filles mortes, mort de rien? Les gars alors c'est très simple. Bon, allez, la petite surprise, est-ce qu'on peut faire venir la petite surprise pour Jeff, s'il vous plaît? Elle est prête? Pourquoi ou quoi? Pour Jeff. Ah, très bien, bah, t'as fêté tes 30 ans il y a combien? Il y a 15 jours, là. Ouais. Attends, c'est normal qu'on fête ça aussi à l'antenne. Tu peux de la gueule, Jean-Marc, signé le Vendéen. Ouais. Salut Jeff, t'es trop bien à la radio. Salut Fabien aussi. Salut. Bonsoir à tout le monde, Jean-Marc. Il y a des messages trop sales, les mecs, je peux pas les lire sur Énergie, ouais. Vous êtes marrants, vous m'envoyez des trucs de fou, là. Allez, avant de vous laisser avec Mickaël, est-ce que c'est prêt, j'ai un stagiaire? Ça se prépare. Non, parce qu'il y a. Attends, c'était pas. C'était pour nous la surprise. Bah si, c'était pour toi, c'était ça la vanne. Ah bon, c'est les 30 ans de JM du Standard, mais ce soir c'est voilà, il y a 15 jours Jeff Panaclock a eu son anniversaire aussi. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Jeff. Joyeux quoi. Bon, oui, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le fêter à l'antenne. Là. Ah, c'est cool, merci, ça me fait plaisir. Bon, t'as soufflé pour JM du Standard. Ah, ouais, mais on va les rallumer, tu vois. Ça a marché. Tu vas au pire, tu vas le souffler. Tu veux ressouffler, JM du Standard. Ça va. Non, ça lui fait chier. Je le sais, ça lui fait chier. Tu veux ressouffler, pourquoi? Attends. Je vais viens t'asseoir. On va s'en occuper, je vais stagiaire, parce que lui va nous faire tomber le gâteau. Ça va, on te connaît. C'est ça va, le problème. Je suis pas maladroit. Attends, tu veux qu'on te mette une autre chanson? Non, attends. Non, qu'est-ce qu'on peut mettre alors? Non. Ah, c'est bien ça pour le JM du Standard. Ah ouais, c'est plus ça, ouais. Ou alors. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Tu veux souffler, JM du Standard? Ah, avec plaisir. Bon, parce que c'est ses 30 ans, alors. Ça serait bien que. Alors, attends, viens, on va faire rentrer. L'autre surprise pour JM du Standard, voilà. Ah, le deuxième gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. JM du Standard. Joyeux anniversaire. Il y a ses deux meilleurs amis de Marseille qui est arrivé. C'était fou, il y a nos deux meilleurs potes. Merci beaucoup. Merci. Il me met les larmes aux yeux. En plus, il m'a pas appelé lui aujourd'hui. Et lui m'a envoyé un message ce matin. Ils sont venus. Il s'est dit, je vais les voir ce week-end. Ouais, c'est les garçons. C'est merci d'avoir fait le déplacement. Ah, vous êtes trop forts, les gars. Bravo. Bravo. Toute l'équipe, les potos et l'équipe. Bravo. Bravo. Merci. Merci. C'est les meilleurs. Même quand il chale, il garde l'accent. Ah ouais, oh putain. Putain, c'est. Voilà, ça te fait plaisir, j'aime le son. Je suis d'accord, j'ai les noués là, mais. C'est beau. Merci beaucoup, ouais. Putain, C'est mieux qu'un objet. C'est les meilleurs, c'est eux les vrais, ils sont là depuis le début, merci. C'est l'extraordinaire aventure de JM Standard. Souffle les bougies parce qu'il y a des lampes partout. Ah, il y a ton gâteau et tout. Avec ta photo aussi. Allez, tu souffles les bougies. Allez, vas-y. Voilà, c'est les 30 ans de JM Standard. Voilà. J'y crois pas, je te jure, c'est pas vrai, c'est pas eux, c'est des sosies, c'est pas possible. C'est quand même mieux que Jules. Ah, mais c'est les meilleurs, oui, c'est eux. Ah, merci. Je vais faire une surprise. Bon, allez. On va manger le gâteau de Jeff, le gâteau de JM du Standard. On a bouffé du gâteau, hein. C'est marrant, du coup, vous êtes né quasiment à quelques jours d'écart. C'est vrai, quand je suis là, 30 ans. Ah, c'est marrant. faut qu'il m'explique. C'est bon pour repartir, mec. Vous êtes venus exprès de Marseille, les mecs. Exprès, ouais. Ah, ouais. C'est sympa. Là, c'est dommage pour Marseille. Oh putain. Donc, ça à foutre, hein. Ah, c'est super cool quoi. Et après, vous repartez ensemble du coup samedi ou vous repartez demain? On part de même. Ah ouais? Ah merde, vous avez pas fait le trajet ensemble? Ah dommage. Ah putain, bon. Ah ouais, demain. Ils ont tout niqué là en deux. Ah, c'est énorme quoi. Ah, c'est gentil les mecs. Écoutez, bah, faites ça bien. J'aime bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci de le gâteau. Ah oui, tout le monde. On a fait une super émission ce soir. Je vais offrir juste avec toi, Jeff et Jean-Marc. On va offrir une peluche de Jean-Marc dédicacée. Allez. Tu veux bien? Ah oui, merci à Fabien Le Castel. Voilà, fabienlecastel.com pour les imitations qu'il nous a fait tout à l'heure, qui est extrêmement fort. Le mec, il mérite vraiment d'être. Ouais, il est très fort. Ouais. Il est très très fort. Votregâteau.fr. Ah ouais, donc il y a plein de trucs. Plein de trucs à remercier. Et la jardinerie naturelle botanique qui a défoncé, qui nous a amené. Et les gâteaux. En 3 heures. Les M&M's de Jeff. Ouais. Jeff et Jean-Marc, vous êtes vraiment super. Continuez de nous faire rire. C'était cool de vous entendre. Hâte de vous voir au rodage. Salut, Amandine. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Salut à toi. Il a hâte de refaire de la scène. C'est une vraie passion, hein, ouais. Jeff. Hier, bah, ça fait depuis le mois d'avril que je ne suis pas monté sur scène. Hier, j'ai fait une petite soirée à l'Olympia. Et ça soirée au stade de France. Quasiment rien. J'ai fait 3 minutes à l'Olympia et ça, je me suis rendu compte que vraiment ça me manque. Quoi. Ouais, j'aime bien, j'adore. T'as fait quoi hier exactement? J'étais à une soirée en faveur de la lutte contre le cancer du pancréas, donc c'est pas très joyeux, mais en tout cas, voilà. Bah, c'est bien de le faire. Ça me tient à cœur et voilà, je suis venu 3 minutes dans ce beau concert. Ça s'appelle Leur Voix pour l'Espoir et c'est exactement. Un truc que Laurie Chouleva organise. Tout à Elle fait. Le fait chaque année pour son papa, etc. C'est super bien. Il y a plein d'artistes qui viennent gentiment. Il y avait Patrick Bruel hier. Ouais. C'est une très belle soirée. Et on lui a mis sa mère. Pareil, c'était énorme. Moi, j'ai eu plein de retours. Apparemment, t'es monté sur scène avec Bruel et il paraît que c'était extrêmement fort. Rigolo. Bon, allez, on est parti. Restez bien près de vos téléphones. Envoyez Guillaume et Peluche avec votre numéro 612. On appuie sur le bouton. C'est F8. Parti. Il faut que ça réponde par contre. Bah, tu sais quoi, Jean-Marc, c'est toi qui vas l'offrir. D'accord. Ou Jeff, hein, comme tu veux. Oh, mais vas-y, Jean-Marc. C'est vous qui pouvez parler. Je vous laisse faire. Comme ça, de toi. Pour terminer. Allô? Oui! Tu pilotes en avion ou quoi? À peu près, ouais! Tu fais quoi? Je suis routier! Ah merde! Et du coup, tu vas t'arrêter de faire sucer sur une heure d'autoroute? Ouais, j'ai retrouvé une, ouais! Hé, hey, petit coquin! Est-ce que tu peux ralentir à peine, mon poteau, juste ou baisser la fenêtre? Ou monter la fenêtre? Est-ce que tu peux ouvrir la portière? Est-ce que tu peux ouvrir la portière? Est-ce que tu peux ouvrir la portière, te pencher sur le côté de la tête et passer près d'un poteau? Attends, non mais est-ce qu'on t'entend mal? On t'entend mal, poteau, tu peux ralentir? Est-ce que tu peux fermer les yeux? Attends, coupe le Bluetooth. Est-ce que tu peux baisser le pare-soleil? On va faire un truc quoi. Non, il faut qu'on t'entende un peu mieux. C'est quoi ton prénom? C'est Freddy. Freddy, Freddy de où? De Saint-Lô. De Saint-Lô, eh ben enchanté Freddy de Saint-Lô. Saint-Lô ? Dans le 50, dans la Manche. Ouais, dans la Manche. Ok, très bien. Eh ben vas-y, et tu sais quoi, on t'envoie la peluche dédicacée demain matin, d'accord ? Ok, c'est cool, merci. De rien mon Freddy, t'as quel âge toi Freddy ? J'ai 33 ans. 33 ans. Et tu vas l'accrocher au rétroviseur ? Vas-y, bon, on t'embrasse mon pote et on va te filer 2 places de cinéma pour aller voir l'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock qui sort le 5 octobre au cinéma à 19h30. C'est une voilà, ça va être diffusé, attends, je coupe parce que je m'entends plus parler. Ouais, Hey, je te fais un bisou mon Freddy. Je te repasse Julien au standard. Ouais. OK, c'est cool, merci. Bisous mon Freddy. Bisous. Salut Freddy. Allez, vas-y, on va offrir juste une place de. Ah merde, j'ai raccroché. Attends, le bon Freddy. Attends, on va juste filer 2 places de cinéma. Je rappelle que c'est le 5 octobre à 19h30 ceux qui veulent aller le voir. Allez-y entre potes ou en famille ou quoi à 19h30 le 5 octobre. Ça sera un documentaire sur Jeff Panaclock qui sera diffusé. Il y aura une partie en direct d'une salle de pas à Paris qui s'appelle le Grand Rex. Ça va être très drôle, les gars. De pas à Paris qui s'appelle le Grand Rex. Allô. Ça va être très drôle, les gars. De pas à Paris. Allô. Allô. Oui. Wesh. Wesh. Oh. Tranquille. Ça va, wesh. C'est son prénom. Tranquille. Ça va ou quoi? Non, c'est pas son prénom là. C'est quoi ton prénom? C'est Michael. Enchanté, Michael. On va te filer. Je t'avais dit que je te rendrais l'antenne un peu en retard, Michael. Non, t'as quel âge? Tu viens d'où, Michael? Je viens du Gard, de Nîmes. Du Gard. Eh ben, enchanté. Tu fais quoi dans la vie, Michael? Chauffeur routier. Chauffeur routier. Eh ben, salut à tous les routiers, les gars. Vous êtes hyper nombreux à écouter, ça fait plaisir. Ouais. On t'envoie les places de cinéma demain, d'accord? Ok. Ça marche, c'est impeccable. Le 5 octobre. Jean-Marc, un peu. Ouais, allô? On dit bonjour à tout le monde. Hein. Allô? Allô? T'es routière? C'est quoi ton prénom? Ça va, t'en rends tout le temps. C'est quoi ton... C'est quoi ton prénom? Eh ma chérie, faut que tu me répondes. Ah parce ouais, que tu fais juste dire oh putain, ça va être chaud. Ça y est, joui. Ton... ton prénom, c'est quoi? Je m'appelle Clarisse. Clarisse. Clarisse, Clarisse, t'as quel âge? Tu viens d'où, Clarisse? Parce que là, c'est chaud, là, putain. Allô, papa. Bon, tu veux que je te laisse souffler 2 heures et que je te reprenne après? Ouais, 2 minutes. Non, 3 heures. Si non, mais non, mais vas-y, et détends-toi, ma chérie. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu connais ton âge? Comment es-tu habillée? Calme-toi, Jean-Marc. Pardon. Comment je m'appelle déjà, moi? Clarisse, tu viens d'où? Je viens de la Picardie. De la Picardie, bon bah le 02. Allez, Laine, ouais, Laine. Ou 80. Ou 80, ouais, de toute façon. Voilà. Bah ouais, t'es dans Laine, bah ouais, tu vois, j'ai senti que t'es venu de Laine. Ouais, j'adore Laine. T'as quel âge, Clarisse? J'ai 14 ans, bientôt 15. Eh ben très bien, on t'envoie les deux places là, t'es en train de parler à Jean-Marc et Jeff Panac là aussi, d'accord? Bonjour, bonjour, bonjour Clarisse. Franchement, vous gérez. Bon. Je vous adore aussi depuis le début de l'année et tout, je vous envoie des SMS souvent et tout, donc ça me... Eh ben vas-y, hein. T'es allé voir le spectacle de Jeff Panac ou pas? Non, mais j'ai déjà vu les DVD et tout ça. Ah, très bien. C'est cool ça. Vas-y, ça fait plaisir. Par contre, il va falloir acheter des nodes parce que ça résonne chez toi. Bon, ma chérie, je te repasse Julia. Il n'y a pas de problème, tu rigoles ou quoi? C'est déjà hyper gentil d'être là, d'écouter, de regarder des DVD. Je te fais un gros. Ah, oh, faut pas pleurer, ma chérie. Non. Gros attends, bisous, Clarisse. Non, attends, elle va pleurer alors là, non. J'y aime juste en arc. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. Attends, le seul qui a pas pleuré, c'est Jeff, c'est pas normal. Ouais. Il va chialer, t'inquiète pas. Ah bon, ouais. En fait, oui. Oui, attends. Excuse-moi, parce qu'il y a ma mère qui s'interpose là. Ah merde, merde. Oh merde. Oh là, elle est vénère. Oh, Jimmy, attends, je te la passe. Oula. Oh, putain, oh, Martine. Jean-Marc, prends le, non, prends le relais. C'est Guillaume. Allô? Oh, non. Allô? C'est qui? Bon, désolé. Ah non, c'est bon, merci, c'est bon. Merci encore. De rien, ma Clara. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse, Julia. Gros bisous. Hein. Bisous. Allez, gros bisous. J'embrasse très fort, les gars. Merci d'avoir été là ce soir. En tout cas, on a fait une belle émission. C'est passé trop vite, mec. Ah ouais, non, ouais, mais vraiment. Ouais, grave. J'avais prévu la moitié de l'émission, on l'a pas faite, quoi. Ouais. Bon, on se donne rendez-vous demain, nous, 22h sur Énergie. Okay. Avec Jeff, à peu près en février. Peut-être bienvenue, tu sais. En février, pour ton nouveau spectacle. Et surtout, le 5 octobre, retenez bien, à 19h30. Voilà, l'extraordinaire aventure de Jeff Panaclock. Allez voir, de toute façon, sur ses réseaux, partout. Je vous offre des iPhone 7 demain. Ouais, et FIFA 17. Et les FIFA 17. Ouais, putain, ouais, récupérer les deux. Tu joues un peu, Jeff, toi, à la console? Ah ouais, je joue régulièrement. Y'a que ça à foutre, c'est sûr. Merci, mec, d'être venu. Merci beaucoup à toi. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Merci, Jean-Marc. Bravo. Merci, monsieur. Voilà, Jean-Marc a bien kiffé ou pas? Ouais, c'était bien... cool. Ouais. Il est beau, le nouveau Jean-Marc, là, avec j'ai sa petite chemise. J'ai envie de le toucher, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, écoute, bonne casual, soirée. Casual. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume. Salut tout le monde. Voilà, bon anniversaire, JM du Standard. Merci encore, Guillaume. Merci tout le monde. Merci, Jean-Marc. C'est une petite surprise qui t'a fait plaisir. Ah ouais, bah oui. Mais du coup, il va se tâter ses deux copains. Voilà. Je vais avoir mon plan à 3 pour être tranquille. Allez, bon, arrête-toi là-dessus. C'est bon. À demain, Julia. Salut, Guillaume. Allez, bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Voilà. Bon anniversaire, JM. Merci, voilà. Flo des cadeaux. Gros bisous, les copains, chez vous. Je vous embrasse. Demain, 22h. Bon courage, ceux qui bossent oui, toute bon, la arrête, nuit. Arrête. On est ensemble. Si vous allez en cours demain matin, gros bisous aussi. Le mec, il s'arrête jamais, en fait. Merci beaucoup, les amoureux, d'être là avec nous tous les soirs. Les poulets, les amoureux, les chéris, ouais. Les Jean-Marc, les JM du Standard. Ouais. Salut, Guillaume. Jeff, c'est le meilleur. Je vais les voir en spectacle. C'est énorme. On terminera sur ce message. Oui. Bonne nuit. Jeff Panaclock, bonne nuit. Merci. Jean-Marc, bonne nuit les copains. Et Mickaël, est-ce que tu m'entends? Yes. Tu as fait don de 12 minutes à JM du 12 minutes, pour ouais. Ouais. Merci Mickaël. Voilà. Et ben, écoutez, tu pourrais lui dire bon anniversaire. Ah ouais. Oui, bah voilà. T'as vu hier, je lui ai passé plein de sons rien que pour lui. Non, j'ai pas entendu. Je lui ai passé Alvaro Soler, je lui ai passé 21 Pilots, c'était mon cadeau. Énergie, quoi. T'as fait ton métier, voilà. Quoi. Ouais, ouais. Je crois qu'ils sont fous. En plus, tu connais pas mes goûts, je crois. Parce que c'est pourquoi Alvaro Soler, c'est très bien. Mais je crois que c'était un truc spécial, tu vois. Je crois que c'était un truc un peu plus. C'est très très bien, j'ai mis le standard. Ah oui, évidemment. Bien sûr. La meilleure musique qui passe sur Énergie. Ouais, mais je préfère la musique que passe Guillaume, quoi, tu vois. Les petits extraits. Il est bon, j'ai le standard. Merci. Il s'est bonifié pour ses 30 ans. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. JM, un appel de Gaël et Morgan. C'est les deux patrons. Gros bisous, les mecs. Salut. Mickaël, bonne nuit, on vous laisse du coup. Ouais, salut. Avec les gars, allez. Passez une bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Bonne nuit, Jeff Panaclock. Ciao. C'est la rentrée. C'est la rentrée. tu regrettes déjà tes vacances. Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, le veto. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Exactement, on est là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Bah ouais, tartare, à minuit 13. Enfin non, on est à l'heure. Oui. Ah oui, c'est pas nous qui étions en retard pour le coup. Hein. Bon, salut à Caro qui dit aussi bonsoir à toute l'équipe. Encore une belle nuit en votre compagnie. Bah bien sûr, bienvenue à toi. Gros bisous Caro. Il y a Estelle aussi, contente de vous retrouver, c'est gentil. Thomas aussi, content de vous entendre les mecs. C'est parti pour 4 heures de conneries. En tout cas, on va essayer. Ce soir, c'est jeudi. Jeudi, c'est canular, forcément, comme tous les jeudis. Si vous avez envie de gagner une Xbox One ou simplement de repartir avec une tablette Samsung Galaxy Tab E, et si vous voulez piéger la personne de votre choix aussi tout à l'heure vers 1h du mat dans 3 quarts d'heure, et ben vous pouvez appeler dès maintenant le standard 01 40 71 5000, c'est Seba d'ailleurs qui décroche au standard, qui a mis un beau t-shirt avec des étoiles. Il est magnifique, il est beau gosse aujourd'hui. Comme ça, on le voit bien de loin en plus. Tof qui est là aussi en pleine forme. En pleine forme. Très bien, très bien. À qui j'ai dû estorquer un merci parce que je l'invitais à manger. Merci Mickaël, ça m'a fait plaisir. Il a fallu que je dise dis donc, on n'a pas dit merci. Oui, merci, merci, merci, merci. Bon, ça m'a fait plaisir que tu nous invites. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Amina aussi qui n'a pas souhaité venir alors que je payais, hein, tant pis. Bah écoute, on s'est loupé. Ah, ça doit être ça. Ça a rendez-vous manqué. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, passez une bonne journée. Très, très bien, tout va bien. Polo aussi en pleine forme. Ça va très bien, ouais, ça très va. Bien. Bon, bah vous aussi, vous qui êtes derrière la radio, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va s'écouter du son aussi ce soir avec le son de LP. Il y aura aussi le son de 21 Pilots et le son préféré de Polo. Il va arriver, je vous le mets dans quelques minutes d'ailleurs. C'est le son de Jules. Quel titre, hein. Attends, mais il arrête pas de chanter dans le couloir. Voilà, bon bah tout, ça va arriver tout à l'heure. Il y a Al aussi qui dit hello la team, heureux de vous retrouver. Bah salut à toi Al. N'oubliez pas aussi que je vous offre l'iPhone ce soir, dimanche pardon. On fait un tirage au sort parmi ceux qui se seront connectés sur le Facebook de l'émission. Donc si vous voulez venir me rejoindre, bah vous tapez M-I-K-L officiel, tout simplement, facile à retenir en tout cas. Et puis on fera un tirage au sort dimanche soir entre 20h et minuit. Car oui, depuis la semaine dernière, on est là également le dimanche de 20h à minuit sur Énergie. Je sais pas si vous avez vu. T'as quoi comme boîte mail, Mina? J'en ai partout, moi. En fait, je crée plein de boîtes mail pour avoir des codes promo. Non, mais ton officiel, hormis celle d'énergie, mais je veux dire. C'est Hotmail. Hotmail ? Ouais, et toi, iCloud. Moi, j'ai Gmail. Gmail ? Ouais. Polo ? Hotmail. Hotmail aussi ? Ouais, ouais, Hotmail. C'est d'accord. Ouais. C'est pas au standard, c'est quoi ta boîte principale ? Latino Mail. Yahoo. Ouais, Mina. Ouais, mais yahoo.es. Je parie, non ? Non mais parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a 500 millions de comptes Yahoo justement qui ont été piratés. Alors apparemment il y a que les mots de passe qui ont été volés. Donc si vous avez un compte mail chez Yahoo, bah pensez à changer votre code, hein. On sait jamais parce que 500 millions de comptes. Imagine, c'est abusé. C'est violent quand même, hein. Oh, ça peut se finir chez Netflix, ça, Amina. Ah bah pour le coup, oui, vraiment. Ah bah là, vraiment. Attends, alors, le FBI est sur le coup. Mais j'espère, j'espère. Bah venez nous dire si vous vous êtes déjà fait pirater, justement, si ça a eu des conséquences. Tu t'es déjà fait pirater ou pas, Tof? Bon, ta mère s'est fait pirater quand t'es né, hein. C'est pour ça la gueule, tout ça. Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai pas le souvenir de m'être fait pirater. T'as jamais été piraté? Non, j'ai un pote qui s'était fait pirater et donc je recevais des trucs. Ouais, écoute, je suis dans la merde. Est-ce que tu peux m'aider, machin? Donc je commence à lui répondre. C'était sur le Messenger de Facebook. Ouais. Et donc je commence à lui répondre et tout. Il me dit ouais, est-ce que tu peux appeler et tout. Puis je vois un numéro surtaxé. Je fais. Et tu sais, donc après je l'appelle. Je lui dis t'es en galère. Il me dit bah non, si tu me racontes. Je fais, je sais pas, il y a un mec qui me parle depuis 20 minutes pour me dire que t'es en galère à l'autre bout du monde. Mais ça c'est clair. Mais il y en a plein comme ça. Ouais. Moi aussi j'ai déjà eu un truc. C'est genre, je sais plus, c'était une copine. Ils m'envoient, mais il faut absolument que tu m'aides, machin. Et tu lui dis ok, d'accord. Et puis tu sais, tu voyais que c'était bizarre la manière dont elle parlait, quoi. Il y en a plein. Enfin, comme d'habitude. Donc dites-nous si vous vous êtes déjà fait justement escroquer ou pirater justement. Tiens, 01 40 71 5000, vous nous appelez. Il y a Seba qui décroche. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez nous appeler au 02 703 007 1 et puis par SMS, Mickaël et votre message au 6 11 12. Bon bah du coup pas mal de choses ce soir, si vous voulez on va se faire les appels mal intentionnés aussi tout à l'heure. Et puis bah vous toutes et vous tous en direct, il y a Théo aussi avec nous à La Rochelle. Oula, Théo qui nous a bien attendu, parfait. Bon, eh ben, on va le reprendre après, je vais le mettre en attente à mon tour. Et on va se faire le son de Jul maintenant sur Énergie, spéciale dédicace pour Polo. Eh ben je te remercie pour cette je devais cette pas attention. Le mettre normalement. Normalement, je devais pas le mettre. Je te remercie. Trop il était gentil, pas dans la prog. Hein. Bravo. Et Polo voulait absolument l'entendre. Et ben merci, voilà. Merci. Spéciale dédicace. C'est Jul qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Oh, dis-moi tout. Y'a des bruits qui courent. Y'a des têtes qui tournent. Faut que je te dise tout. Il est magique ton boule. Tiens, on va faire un tour. Avant que je perde le nord. Oh, mon bijou. Je te veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros poule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros poule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou. Dans mon bisou. T'es mon bijou.